Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Eh oui, après 6 mois, on va dire, presque 6 mois, hein, on peut dire ça, Teddy, d'absente et un long voyage sur la planète Mars, on va dire, parce que là, c'était vraiment le vide total au niveau podcast. Les Potes Calés sont de retour et ils sont bien en vie, ils ont survécu à cette épreuve terrible. Et donc, pour commencer cette première partie, j'ai envie de dire, on va un petit peu reprendre le rythme avec un peu de léger, un peu de trailer, parce que c'est vrai que la promotion est un peu légère, était un peu légère pendant ces derniers mois. On a eu... pour commencer le Dizzy Fandom qui a eu lieu il y a quelques semaines, et on va discuter un petit peu des premiers trailers, en commençant par le trailer de Wonder Woman 1984. Donc Wonder Woman, toujours réalisé par Patty Jenkins avec Gal Gadot, bien évidemment. On y retrouve aussi Pedro Pascal dans le rôle de Maxwell Lord et de Kristen Wiig dans le rôle de Cheetah qu'on voit un peu mieux d'ailleurs. Et dans cet épisode, ça se précise, pour moi ça précise pas tellement le scénario, c'est un peu comme le teaser, c'est qu'on a beaucoup de trucs épars, mais on n'a pas vraiment l'intrigue de fond pour moi. Enfin, je sais pas si tu penses comme moi. Et voilà quoi pour la première impression. Mais beaucoup d'action, beaucoup de scènes épiques, je dirais. Et puis la découverte d'une Cheetah qui dans les scènes un peu obscures, pour peut-être masquer le fait qu'elle soit complètement numérisée, quoi. Enfin, je te laisse exprimer ton opinion sur ce trailer pour commencer. Bon, c'est vrai que le DCU depuis Steppenwolf, on a l'habitude d'avoir des monstres dégueulasses à la place des vilains, donc ça va. Cheetah, ça reste dans le lot, c'est bon. Ouais. Non, sinon, ouais, Wonder Woman 84, je crois d'ailleurs 84, c'est la dernière fois qu'on a fait un podcast. Mais, ouais, sinon, non, ouais, comme tu dis, des scènes épiques, surtout quand elle balade avec son lasso sur les éclairs. Beaucoup de lasso, ouais. Voilà, tu te dis, c'est un peu what the fuck, c'est un peu épique, et t'y crois, mais c'est vrai que, ouais, j'ai quand même envie d'aller le voir quand même, malgré le fait que, normalement, ça devrait déjà être le cas. Il y a en poussée, c'est ça le problème. Bon, on en reparlera un petit peu après, mais ouais, là, ils ont tout poussé. Il y a cette scène où elle bondit d'un char à un autre, je sais pas si tu viens, elle vole à un moment, elle est sur une route, j'ai trouvé ça assez impressionnant, mais comme je te dis, comme on en parlait à l'instant, il y a beaucoup de reports de sortie, notamment Wonder Woman, c'est quand même la 5e fois qu'ils reportent la sortie, donc on va dire que ça devait sortir en début, dans les 6 premiers mois de 2020. Après, il y a une sortie qui a été programmée en septembre, et puis finalement ce sera le 25 décembre. Alors on va un petit peu débattre sur ces sorties. Est-ce que toi, déjà une première question, est-ce que toi ça te pose problème qu'on reporte comme ça les sorties, parce que faut savoir que tout a été reporté et que là le premier blockbuster ce sera pas avant fin décembre finalement. Ah, le premier blockbuster c'était Net, donc oui c'est ça. Enfin il faut dire il fait des entrées, mais il en fait pas énormément non plus, parce que les gens sont quand même assez réticents. Puis de toute façon on peut pas trop aller au cinéma tranquillement, hein. Mettre le masque, faut porter le masque, tout ça, ouais. Voilà, faut avoir une distanciation sociale, le film est pas terrible non plus il paraît, donc ça aide pas non plus. Les gens qui l'ont vu comprennent pas trop le film. C'est un petit peu typique du film de Christopher Nolan, hein, quand tu vois Inception, limite Interstellar, ou c'est des films qui partent un petit peu en vrille, quoi, des fois. C'est des films qui poussent à la réflexion. Ouais. Bon, voilà. Bon, après, est-ce que c'était bien de lâcher un film où il faut réfléchir pour quand les gens ils doivent revenir en salle? Je suis pas sûr. Puis c'est pas en balançant un New Mutants que les gens vont revenir, quoi, parce que c'est vraiment médiocre, quoi. Voilà, donc comme c'est un peu léger, donc là, Wonder Woman, film un peu plus, on va dire, déjà grand public, je pense, parce que je pense que le scénario va moins se prendre la tête. Totalement, quoi. Puis les effets spéciaux ont l'air quand même super. Et voilà, repoussé jusqu'à décembre. Ça devient compliqué de toute façon de savoir si un film va marcher ou pas, parce que même si le film est bon ou mauvais, on sait pas s'il va marcher ou pas, parce que les gens se déplacent plus, en fait, hein. Oui, et puis il y a le gros problème, c'est que et je parle pas que de Warner, hein, parce que apparemment Sony ne veut plus non plus sortir ses films. Bon, de toute façon Sony, on n'attend pas trop leur film, hein, parce qu'il y a le Venom 2 qui doit sortir, et ils parlent d'un film là je pense que je vais provoquer l'hilarité générale. Mais on parle d'un film solo sur Kraven. Donc voilà quoi. Je vois déjà ta tête là, t'es en train de rigoler, mais bon. Je crois que je préfère autant voir le film Hobbs and Shaw de la Fast and Furious que de voir un film sur Kraven, hein. Non, c'est vrai que ça n'a aucun sens, quoi, de maintenant, c'est-à-dire que Sony va exploiter un petit peu le Spider-Verse et puis nous sortir des films sur des vilains. Ouais, mais faites-le avec des vilains intéressants, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, moi j'aurais préféré Bartok. Batroc. Il existe pas Bartok. Batroc, c'est le celui qui saute. C'est le vilain qu'on voit dans Captain America, il me semble. Ouais, celui qui... Ouais. Voilà. Ouais. Parce que là, franchement... Ça fait penser à un spin-off sur Hux sur Star Wars, quoi. C'est du même acabit, j'ai pas envie de le voir. Hein. Moi, je sais pas, enfin, Kraven, le chasseur. C'est un peu ridicule, quoi, qu'ils choisissent un bon vilain, quoi. Bon, là, Venom, ça, à mon avis, ça va pas être aussi brillant que le premier, mais bon. Bon, le premier, j'avais quand même une bonne surprise. Bon, il y avait carrément des incohérences. Ouais, hein. Bah, ouais. Mais je vous invite plutôt à écouter notre podcast sur Venom. Mais... Ce film est détesté par quasiment tout le monde. Il y a que nous qui l'avons défendu quasiment, quoi. Bon, on l'a moins détesté que les autres, on va dire. Et là, je sais pas, ça va sur Kraven, j'ai pas trop envie d'aller le voir. Non, mais on va pas s'éterniser, mais bon, apparemment, Sony, il veut plus sortir ses films. Mais à la rigueur, on en a rien à foutre, quoi, tu vois. Là, par contre, tu vois, du DCU qui veut pas sortir son film. Là, ça pose problème, tu vois. Là, ça pose un peu plus problème. Ouais. Pour dire que Wonder Woman ne sera pas le seul, quoi. Il y a tous les films. Même chez Marvel, ils parlent de reporter Black Widow. Bon, entre nous, Black Widow, ça sortira en VOD. J'en ai un peu rien à foutre aussi, mais bon. Après, je sais plus quand est-ce qu'il devait sortir. Je crois qu'il est déjà décalé, Black Widow. Ah non, moi, pour l'instant, c'est fin octobre. Ouais, bon, on l'aura pas fin octobre. Hein. Est-ce qu'ils vont faire comme Mulan? C'est-à-dire qu'ils devaient sortir au cinéma, puis finalement, ils l'ont. Mais là, tu me disais d'ailleurs tout à l'heure que ça avait un peu provoqué la polémique par rapport à Mulan, quoi. Bah, ils mettent Mulan sur Disney+, qui est payant, et ils demandent de payer 10 euros en plus pour le regarder, si j'ai bien compris. Bah, je sais pas, j'avais compris 30 euros en plus, mais bon. 30 euros? Bah, je ne sais pas, mais faut que je vérifie, mais 30 euros, ça me paraît excessif. Bah, un abonnement Up2Box, c'est beaucoup moins cher. Ouais, mais là, tu fais de la pub pour le... Pour le téléchargement illégal, et puis on va se faire striker. Je veux dire, je suis désolé, à 40 balles, je cours le risque, hein. Même au cinéma, à 40 balles, je vais pas le voir. Hein. Je sais pas, quoi. Enfin, Mulan, excuse-moi, mais moi, j'en ai rien à foutre, parce que de toute façon, c'est encore les remakes, ce que j'appelle la branche fainéantiste artistique de Disney, c'est-à-dire de refaire tous les vieux dessins animés en film. Oh ouais. Ça n'a aucun intérêt pour moi. En live, il y a eu quoi? Il y a eu le Roi Lion, il y a eu Aladdin avec Will Smith. Aladdin, il y a eu le Bel et Clochard. Non, la Belle et la Bête. Ouais, la Belle et le Clochard. Ah, bah, c'est un clochard. La Belle et la Bête aussi, ouais. C'est pas un problème. Après, ouais, il y a un peu de tout. Il y a le livre de la Dumbo. Jeune, ça fait deux fois qu'ils font. Dumbo? Ouais, Dumbo aussi, ouais. Ouais, ils font tous des lives. Bah, acheter la version DVD, d'occasion, mais, veut dire pas en live, en dessin animé, ça reviendra au même, quoi. Ouais. 5 euros à Easy Cash, quoi. 5 euros à Easy Cash, ça, on peut pas faire striker. Je crois que les médias vont nous mettre sur liste noire à force de déconner. Oh bah s'ils parlent de nous, ça nous fera de la pub. Hein. Super en forme pour le retour, vous l'avez remarqué. Ah bah on a des choses à dire. Hein. Ah ouais. Sinon, on était sur, en fait, le fait quoi qu'on a des lives tout pourris et qu'ils sortent en VOD. Et franchement, ça donne pas envie d'acheter, parce que 40 balles pour un truc en VOD, je vois pas l'intérêt. C'est hyper cher, les Blu-ray. Tu peux pas te permettre d'acheter des Blu-ray tous les mois, quoi. Non, mais là, même 40 balles pour même pas avoir le disque. Hein. T'as pas de support, tu l'as t'as sur... T'as pas de support. C'est à rien. Ouais, donc moi, Mulan, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Et puis mon Disney, ça commence à bien faire, quoi. Donc on se disait que s'il sortait Black Widow en VOD, si c'était compris dans un tarif global, pourquoi pas. Mais s'il faut repayer derrière, non, moi, je préfère aller le voir en salle. Comme là, par exemple, il y a eu Mulan, mais il y a aussi Bloodshot qui est sorti sur une autre chaîne. Ouais, quand j'ai pas encore vu d'ailleurs. C'est pas que c'est hyper mauvais de toute façon, donc on rate rien. Oh, pourtant Vin Diesel, il est bon comme acteur. Dans Riddick. Faut arrêter, quoi, les Fast and Furious. Tu sais qui parle d'un Fast and Furious dans l'espace maintenant? Bah, ce sera le Fast and Furious 9, il sera dans l'espace. Ah bon, c'est confirmé alors. Apparemment, d'après les rumeurs qu'on lit sur le net, ouais, c'est confirmé, il y aura une partie dans l'espace. Tu vas peut-être rencontrer Machete. Ça devient ridicule, quoi. Bon, à rigueur, Machete dans l'espace, j'irai le voir, quoi, tu vois. Ouais, parce que tu sais déjà que ça va être un nanar. Ouais, c'est dans l'esprit nana. Fast and Furious, ça se prend sérieux quand même. Ça se prend un peu trop sérieux, quoi. Je veux pas te dire, pendant le confinement, je me suis tellement fait chier que j'ai regardé tous les Fast and Furious qui sont sortis jusqu'à maintenant. Et alors, t'as pu même Hobbs and Shaw. T'as pu les juger là par leur qualité alors. Ah, qualité? J'ai pas vu ça. C'est un tout petit de Paul. Faut en rediscuter, mais disons que. Non, mais peut-être le 1 s'en sort le mieux, quoi, je veux dire. Quand t'as besoin de te vider le cerveau, le 1 et le 2, ouais, ça va, ça passe. Le 3, ça passe encore si t'es un teenage, enfin si t'es un ado. Mais quand il y a Dwayne Johnson en plus, y a pas un truc en plus la franchise. Parce que j'aime bien ce que Dwayne Johnson, il pourrait s'appeler Jean-Paul Duss, ce serait mieux. Je veux dire, il est plus facile à dire. Hein. Ah, dis The Rock, c'est plus. Quand tu vois The Rock dedans, ouais, c'est un concours de beat. Hein. C'est les Fast and Furious, même quand il y a The Rock dedans, c'est celui qui a la plus grosse beat. En plus, c'est les concours de beat, comme tu dis, entre Statham, Vin Diesel et. Statham, et The Rock. Dans Fast and Furious, il se prend pas au sérieux. Tu le vois quand il joue. Ah, ça va alors. Ouais, parce qu'il fait sa gueule de Statham, d'un moment, il se demande qu'est-ce qu'il fout là, et puis il le dit. Quoi. Ouais, quand il va pas chasser le requin, quoi, on va dire. Ouais, quand il va pas chasser le mégalodon. Le mégalodon de la mort, qui tue avec un simple couteau. Gros spoiler, là, attention. Spoiler. Oh, c'est un petit peu éloigné, mais bon, de toute façon, on va s'éloigner en permanence, je pense, dans ce podcast. Hein. Bah, il n'y a pas beaucoup d'actualité, donc on risque de déraper, puis on a des choses à dire. Et puis on dérape bien. Hein. Donc, sinon, on parlait de Wonder Woman, non, de... Donc voilà, quoi, de tous ces reports de films, là, ouais. Bon, là, il devait y avoir Eternals, le prochain Marvel, qui devait sortir en février, à mon avis, c'est mort, quoi, tu l'auras pas avant la fin de l'année prochaine. Oh, j'espère qu'il sera aussi bien que les Inhumans. Non, mais on n'est pas dans la même cour, Teddy, c'est pas le même budget, on voit que, au niveau costume, c'est quand même plus sérieux, il va y avoir du numérique un petit peu à la Gardien de la Galaxie, tu sais, c'est un peu comme ça, ça va partir un peu comme ça, c'est pas une série TV, parce que c'est vrai que les Inhumains, c'était vraiment horrible, quoi, en termes de visuel, quoi. Est-ce que toi, on va dans le fond, ça te dérange que les films, bah, ils passent en VOD à la rigueur. Il y a du pour, il y a du contre. Le problème, quand tu vois en VOD, c'est que t'es tout seul chez toi, tu te fais un peu chier, t'as le côté moins convivial. Bah, à part si tu t'invites un pote, quoi, je veux dire. Ah, t'as pas le droit, hein. En tout cas, pas plus de 10, hein. Mais je veux dire, non, moi, je préfère aller voir un truc au ciné. Ouais, au ciné, au moins, si le film il te fait chier, tu peux bouffer un coup, quoi. Qu'on fait notre podcast sur Star Wars 8, par exemple. Ah ouais. Ouais, ouais. Oh, là, c'est j'ai jamais vu autant de croustillage de popcorn pendant ce film. Après, l'inconvénient du VOD, c'est que, ouais, c'est moins festif. Quand tu vas au cinéma, voilà, ça te fait une sortie, le film, il rejette quand même en grand écran. Même quand le film n'est pas terrible, tu peux prendre une belle claque avec les effets spéciaux au grand écran. À la rigueur, ça peut sauver un film. Enfin, Star Wars 9, ils ont pas réussi, mais bon, ça en reparlera plus tard. Mais moi, je préfère quand même aller voir un film, même un nanar au ciné, quand il y a... L'ambiance sale, excuse-moi. L'ambiance sale, mais quand il y a quelque chose à montrer. Quand il y a des explosions, des machins. Parce que sinon, après, bah, chez toi, sur ton petit écran, tu te fais un peu chier, quoi. Bah, petit, ça dépend ce que tu peux avoir comme équipement, quoi. Je veux dire, Si les gens veulent nous payer de l'équipement, vas-y, il n'y a pas de problème. Allez, là, on ouvre le Patreon sur ce, sur ce coup-là, donc vous pouvez nous donner dès que vous voulez. Non, on n'a pas de Patreon, mais bon. On ouvrira un Tipeee. On verra. Non, mais je veux dire, moi, pour moi, c'est, voilà, quand tu vas au cinéma, c'est, déjà, c'est, voilà, tu fais ta sortie, c'est plus festif. Même quand le film il est un peu plus pourri, on va dire. Enfin, c'est à double tranchant, parce que, voilà, quand tu repars de Star Wars 8, j'ai eu l'impression de me faire insulter quand j'étais le voir au cinéma. Toi, c'est vraiment le film qui est ta plus mauvaise séance de ta vie, quoi. Celle où je me suis senti le plus insulté. La pire. Ouais, je me suis moins senti insulté devant Dragon Ball Evolution que devant Star Wars 9, pour te dire. Ouais, Dragon Ball Evolution, on est vraiment dans le niveau et de gouttière, c'est vraiment horrible, quoi. Ouais. On est bien bas, quoi. Ah ouais, ouais, bah Star Wars 8. L'adaptation de Ken, elle est pas aussi catastrophique, quoi, je veux dire. Hein. Et pourtant, c'est fauché à mort, quoi. Ah, tu regardes une adaptation de Ken, je préférerais le voir chez moi qu'au cinéma, mais tu vois, Wonder Woman, je préférerais le voir au cinéma que chez moi. Ou Wanda Maximoff, je préférerais le voir. Ouais, Non, tu parles de Black Widow. Forcément, c'est moi. Black Widow, je préférais le voir au cinéma. Ouais, donc c'est des films faits pour le cinéma. Ça t'intéresse quand même. T'as quand même envie d'aller le voir, le Black Widow, quoi. Bah, Black Widow, j'aimerais bien le voir pour voir un petit peu ce qu'ils ont réussi à faire avec la franchise Black Widow. Mais comme tu me disais tout à l'heure, ce sera plus un James Bond amélioré qu'un Avengers. Hein. D'ailleurs, ils ont maintenu aussi la date pour James Bond. Pas le temps de mourir. Je sais plus le titre du film. Bah, ça tombe bien, j'aurais pas le temps d'aller le voir. Mais j'ai vu le dernier trailer, comme l'impression que d'un film à l'autre, James Bond, ça se renouvelle pas beaucoup. Il y a quand même un problème, c'est que... Bah moi, tu vois, je pense l'inverse. Je pense que ça s'est trop renouvelé. Avant, James Bond, c'était de l'espionnage, des gadgets. Après, il y a eu la période Pierce Brosnan. Putain, ils peuvent pas ramener non... Oui, c'est la plus mauvaise des périodes. Ouais, tu vois, ils ont voulu faire science-fiction, ouais, hein, carrément. Avec la voiture invisible. Daniel Craig, je verrais The Rock là-dedans, ça me dérangerait pas, tu vois, parce que t'as l'impression que c'est des mecs qui se mettent sur la gueule toute la journée, puis c'est tout, quoi. C'est des gros balais, quoi. Daniel Craig, moi je vais pas dire que je l'aime pas dans le rôle, il est plutôt bon. C'est toujours ce design, l'esthétisme visuel et tout ça, le retour du grand méchant, bon, on revient un petit peu à du Brosnan, quoi. Et c'est pas bon signe. Ouais, puis je sais pas, même les méchants, je les trouve pas charismatiques. Tu vois, Goldfinger, je le trouvais charismatique. Ouais. Putain, j'en oublie pas mal. Avec son chat, là, je le trouvais charismatique aussi. Ouais, tu parles de Blofeld, ouais. Ouais, mais tu vois, là, les méchants. Ouais, mais toi, t'es resté sur les films d'avec Sean Connery et Roger Moore. Ouais, mais il y avait un flemme, il y avait une. Je sais pas, il y avait quelque chose en plus. Pour moi, ils ont tenté de faire un peu de renouveler, c'est Timothy Dalton, mais il n'y a fait que deux films, donc ouais. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un James Bond qui était un peu plus humain, tu vois, un peu moins dans le super-héros, tu vois. Voilà, ouais, c'est vrai. Bah, Daniel Craig, ça fait un peu comme une saga Fast and Furious. Ouais, ça fait super-héros. C'est la franchise qui a voulu faire du Jason Bourne, parce qu'il y a beaucoup de Jason Bourne aussi là-dedans. Exact. Complètement, quoi, avec Matt Damon, par exemple, la façon de filmer les combats et tout ça, et les poursuites, c'est hyper cut au niveau du montage. Et la personnalité du héros, elle est un petit peu effacée derrière l'esprit. Encore une fois, là, t'as l'impression que le héros, c'est un gros bras. C'est ça. Il y a plus de psychologique ou de trucs comme ça. C'est un gros bras. C'est un mec qui tape sur la gueule de plus de personnes possible en montrant ses muscles. Par contre, il y a un film que j'ai beaucoup aimé dans les nouveaux. Il y a eu Skyfall. Et je trouve que celui-là, il est très réussi parce qu'il se démarque. Il démarre marque de, du James Bond traditionnel, qui est un peu héroïque et indestructible, limite. Et là, il y a encore une sensibilité, un retour un petit peu au, à la version de Timothy Dalton, tu vois. On découvre un peu son, son passé. Le problème de Skyfall, c'est que c'est bon en rythme, tout ça, au niveau film d'action. Ça exploite pas peut-être le passif du personnage. Background, quand tu dis. Le background. Ouais. Le passif du personnage. C'est vrai qu'on aimerait peut-être plus voir un retour aux sources, tu sais, à James Bond, avant qu'il devienne agent secret, tu vois, un truc comme ça, une espèce de préquel. Mais ce serait peut-être plus l'objet d'une série à ce moment. Voilà. Ouais, je sais pas, ouais, faut voir. Enfin, après, faut aimer le personnage aussi, hein, mais bon. Faut dire, après une saga aussi longue, c'est dur de se renouveler. C'est vrai quand que même, ça fait déjà 25 films, hein, quand 25 même. 25 films, ouais. Pour ce qui est prévu, là, le Dune, moi, bon, toi, t'es pas trop fort, tu parles de Dune. Mais c'est vrai que le Dune, c'est plus, je l'apprécierais plus sur grand écran que sur un écran LCD, par exemple, tu ouais. vois, parce que Dune, c'est une saga épique, c'est quelque chose qui t'en fout plein la vue. Bon, il y en a beaucoup qui ont détesté le film de David Lynch en 84. Toi, t'as pas non plus apprécié, mais. J'ai décroché aux premières, ouais. Dès les premières le minutes. Le côté donc mystique, un peu trop mystique du film, mais le grand spectacle, la grande saga de la science-fiction, elle y est pour moi. Et dans ce film-là de Denis Villeneuve, là, d'ailleurs, qui a été réalisé il n'y a pas très longtemps, Blade Runner 2049, qui n'était pas très réussi pour moi, mais bon. Voilà quoi, l'aspect épique, elle se retranscrit mieux sur grand écran, par exemple, tu vois. Voilà pour un exemple. Pour un novice comme moi qui n'a pas de contact avec Dune, parce que Dune, j'ai pas accroché aux premières minutes, ouais. Forcément je l'ai pas vu. Peut-être qu'il y a moyen que j'apprécie un peu plus le film, si je me raccroche pas au Dune qui était sorti dans les années. Ah bah si tu veux qu'on y aille ensemble, il n'y a pas de pouvoir, il hein, n'y a pas de problème. De toute façon, vu ce qui va sortir, je pense qu'on va faire un peu les fonds de tiroir. Le problème, c'est qu'apparemment, Dune sortirait le 18 et Wonder Woman le 25. Donc, ce serait fin décembre. Il y aurait deux films pour fin décembre. Ouais, les Dune, moi, je veux bien. Sous réserve. Parce sous réserve. Que, sous réserve, parce qu'on ne sait pas, avec la Covid, comment tant que ça va durer aussi, cette affaire. Hein, parce que... Bon, on est parti pour vivre avec, mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est une autre histoire, on va dire. Une autre histoire. Ouais, le film sur le Covid, j'irai pas le voir. Ça fait 6 mois que je le regarde, c'est bon. Je crois qu'il va y avoir une comédie française, tu sais bien, bof, sur le Covid. Le gendarme et le Covid. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu numéro 3 avec le Covid, avec tu le sais Covid. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait aux Chinois. Qu'est-ce que j'ai fait au pangolin. On revient dans une souche plus sérieuse, si tu veux bien. On va entamer sur un deuxième trailer. Là, je pense que tu vas avoir beaucoup à dire. C'est le trailer du nouveau Batman, The Batman, de Matt Reeves, avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne. Et là, c'est vrai que moi, pour ma part, il m'a beaucoup impressionné, Pattinson. Bah, moi, franchement, voilà, la saga Twilight, la tête que j'avais de Pattinson, tu m'aurais pas dit que c'était Pattinson dans la bande-annonce. Mmh. Je suis pas sûr que je le reconnaîtrais. Donc déjà, je trouve que c'est un bon point. Ça veut dire qu'il sait jouer autre chose. Après, il pourra jamais être meilleur que George Clooney, mais bon. Ou que Adam West. Ah oh bah Adam West, ouais. C'est le top, Adam West. Bande de criminels. Non mais je veux dire, ouais, je comprends pas qu'on crache sur Pattinson parce que faut lui laisser le temps de prouver ce qu'il vaut quoi. Bah, je pense que c'est un acteur qui peut faire plusieurs choses parce qu'on connaît Twilight, mais quand on regarde sa filmographie, on se rend compte que il était un peu essayé dans tous les registres. Moi j'avais vu deux films que je l'avais trouvé assez bon, tu vois, deux films qui sont pas très connus, qui sont pas des films de studio mais plutôt indépendants. Et j'avais été étonné de sa performance et il s'effaçait justement derrière son physique de beau gosse, je vais dire. Entre guillemets, parce que c'est ça, Pattinson. Et là, il est quand même dans cette phase de Bruce Wayne très torturé, complètement forfuré. Et il y a même pour moi une référence à The Crow, c'est ce dernier plan où on le voit relever la tête, tu sais, un peu comme Brandon Lee dans le premier comme, The Crow. Brandon Lee dans The Crow, ouais. Et voilà quoi, mais au niveau action, bon, c'est un teaser, donc on ne voit pas grand chose. Moi je suis désolé, mais le teaser m'a pas choqué, hein, du tout. Hein. Mais en termes de poursuite, ça fait très. Moi ça m'a rappelé quand même pas mal de scènes de Batman Begins, par exemple, tu vois, ce côté très sombre. Ouais, puis dans la baston, hein. Y a un petit côté aussi. Punisher quand même. Hein. Ouais, ce côté pas très cut, tu vois, là, on fait ça en un seul plan. Le mec il dit qu'est-ce que tu prends pour qui. Il vient vers lui, dom, dom, dom, dom, il fait une petite chorégraphie, et puis après il le massacre hein, carrément. Hein. C'est le Batman vraiment qui en a rien à foutre de la vie, quoi, à la rigueur, quoi. On voit qu'il commence, quoi. Ouais, parce que Batman ne tue pas, mais il te laisse une sacrée addition à l'hôpital. Hein. Bah, il tue pas, mais Ben Affleck, il en fait des morts dans Batman vs Superman. Ah, dans Batman vs Superman. Hein, il n'hésite pas avec sa Batmobile à trucider quelques truands, là. Hein. Ouais. Faut se rappeler, hein. Je pense qu'il est, c'est un peu dans cette lignée-là, de un peu ce Batman un peu millerien, quoi, qui n'hésite pas à foutre des coups de pied, des coups de poing, quoi, quand il faut. Bah, il casse des gueules, il se laisse très saplégique, mais il tue pas. Non, non, mais bon, je trouve qu'il y a une ambiance qui est assez réussie, je sais pas pour toi, mais je trouve que c'est assez sombre et tout ça. Bon, on a quand même un sacré casting, hein. On a déjà Jeffrey Wright qui fait le commissaire Gordon, il y a Zoe Kravitz qui fait Catwoman. Catwoman qu'on aperçoit dans deux plans, par exemple. On a Paul Dano qui fera le Riddler, qui est le personnage qu'on voit au début avec ses lunettes et son masque. Enfin, moi, je suis déjà très, très impatient de voir un deuxième trailer, tu vois. Je veux en savoir plus. Bon, il y a des trucs avec un trailer, j'arrive à dire si je veux y aller ou pas, mais là, j'ai envie d'en voir un peu plus. Ouais, là, on est accroché, quoi. Littéralement. Ouais, j'ai envie d'en savoir plus, au moins. Ouais, bah, franchement. Puis la Batmobile, bon, bah, c'est une simple voiture de course, quasiment. C'est pas le gros char comme on peut avoir dans les autres Batman, mais ça passe aussi, tu vois. Vu qu'on sait que c'est les premières années de Batman, quoi. Voilà, quoi, pour The Batman, t'as rien à dire, sinon, dans l'esthétique générale, l'ambiance du. Si, bah, trailer. Voilà, toujours dark, parce que c'est Gotham. C'est dark. Hein, quand tu reprends les plans de Justice League, tu vois, quand c'était à Gotham, c'était dark, et quand c'était à Metropolis, c'était très lumineux. Ouais. Et là, tu vois, Gotham très dark. Moi, je trouve que les mises en scène, elles sont quand même bien réalisées. Enfin, en tout cas, les premiers trucs qu'on a vus, tu vois, avec les ombres, les couleurs, etc. Ouais, c'est ça. Voilà, ça donne envie d'en voir un peu plus. Et puis, je te dis, la scène pacotée où il casse la gueule du mec, voilà, tu te dis, ah, bah, ça fait moins chorégraphié, ça fait plus brutal. Puis c'est vrai que Pattinson, c'est quand même une surprise. Même si il y en a certains qui se sont dit, ouais, il fait la gueule. Bah, c'est Batman, il va pas faire un grand sourire. Bah, hein. Disons que Bruce Wayne, dans Christian Bale ou Michael Keaton, il était froid, mais il était pas aussi dark, je veux dire. Ah, les Keaton, ça date un peu quand même, ouais. Hein, donc il fallait très adoucir. D'ailleurs, Michael Keaton, je sais pas si t'as lu la news qu'ils ont annoncé, là, il y a pas très longtemps. Ils vont faire un film sur Flash, tu sais, avec Ezra Miller, l'acteur de Justice League, justement. Ils vont adapter Flashpoint. Donc, il y aura des univers parallèles. Donc, ils ont annoncé quand même le retour de Ben Affleck et de Michael Keaton. Donc, on aurait deux Batman déjà de prévu. Alors, pour les Superman, ça va être un petit peu compliqué parce qu'ils pourront peut-être reprendre Henry Cavill. Comme Superman, comme Christopher Reeve n'est plus de ce monde, ça va être un petit peu difficile. Ils ont un peu de mal après. À moins d'appeler Brandon Routh, quoi. Ezra Miller, il a fait un petit saut dans la série The Flash aussi. Ouais, aussi, pareil, ouais. Donc, j'espère qu'ils vont pas prendre les gars de la série télé parce que ça va faire un fossé, là. Ouais, enfin, Brandon Routh, moi, je le verrais bien revenir quand même, tu vois. En Superman, je trouve qu'il rendait pas mal, quoi. Dean Cain, à la rigueur. Ouais, Dean Cain, ouais. Il a pas vu aussi Dean Cain. Oh, ça l'a pas empêché de jouer le père de Supergirl, c'est ça? Ouais, c'est ça, dans la série, ouais. Dans la série, bon, ça va. Tout à fait. Voilà, quoi, une petite news. Bah, on parlait de Justice League, hein, il y a qu'un pas. Hein. Ouais. Donc, Justice League... La Snyder's Cut. Zack Snyder Cut, avec une espèce de teaser, hein, c'est pas vraiment un trailer. Ouais, c'est plus un teaser et on te montre ce qu'on voulait faire, enfin, on te montre des effets spéciaux, avec que ça. Hein. C'est visuel. Ouais, c'est que du visuel. Ça commence par une version un peu... Là aussi, on va en discuter quand même, hein, de certains effets visuels. De Darkseid. Il est à l'auteur de Steppenwolf et Cheetah, hein, pour moi. Ça change donc, pas. Pas du tout le degré de réalisme de Thanos, quoi, par exemple, tu vois. On n'est pas encore là, hein. On voit que le budget, ouais, il y a du budget en plus, mais pas assez pour... Il y a du budget, mais il n'y a pas de savoir-faire. Non. Le savoir-faire de niveau Avengers, c'est carrément plus colossal que le savoir-faire au niveau DCU. On voit qu'il y a quand même deux univers, quoi, quand même. Hein. Il y a une séparation au niveau effets spéciaux. Mais ils veulent rendre le monstre monstrueux. Donc forcément, ça fait un peu dégueulasse à l'écran, je trouve. Ouais. Thanos, ils ont voulu le rendre humain, au moins dans Avengers Infinity War. Hein. Et du coup, bah, ça tapait mieux, quoi. Ils ont voulu humaniser Thanos et ça a marché. Oui, et puis bon, je sais pas, il y a peut-être ces techniques d'attraper les différents mouvements du visage et tout ça. Ouais, la capture, elle était bien faite aussi. Hein. Motion capture, ouais. Ça, c'était vachement réussi. Apparemment, ils n'avaient pas réussi avec Steppenwolf, vu qu'il y avait quand même un acteur qui essayait de simuler. Mais le problème du visage, c'est aussi le rendu et les différents contrastes qu'il peut y avoir. Et ça, c'est issu. Un visage, t'as beau essayer de faire un clonage, t'arriveras jamais à 100% un visage en numérique, que ce soit animé le visage ou masquer une moustache, ouais, ça merde. Ah ben, la moustache, j'espère qu'ils vont corriger les conneries qu'ils ont fait sur Henry Cavill dans cette nouvelle version de Justice League, parce que c'est vraiment horrible, hein. Ça se voit que on dirait que le nez ça raccroche directement à la bouche, tu sais. C'est vraiment horrible, tellement c'est lisse. On dirait comme dans Matrix quand Neo il a la bouche cousue. Ah oui, c'est vrai, c'était horrible cette scène. Mais bon. Une scène cauchemardesque de Matrix qui nous avait resté longtemps en mémoire d'ailleurs. Mais voilà, quoi, pour Justice League, c'est beaucoup de scènes inédites, de scènes on va voir plus Superman apparemment. Il y aura plus de scènes avec Flash et Cyborg. Par contre, pour les autres, je crois que c'était des scènes qu'on avait déjà vues, quoi. Que ce soit Wonder Woman et Aquaman. Oui, est-ce que ce trailer il t'a fait quand même envie de voir cette version longue, quoi. Ouais, mais alors, vraiment pas pour m'apporter quelque chose au film, moi juste pour voir un peu l'effet esthétique qu'ils ont voulu donner, juste pour ça, mais pas pour avoir une intrigue ou quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'il faut rappeler que le film Justice League est sorti en 2017, on avait été le voir et on avait été très déçus, hein. Faut se souvenir que ça marchait pas, beaucoup trop d'humour, une certaine marvelisation des personnages pour moi. Bah ouais, puis ça, on va se répéter, mais ça avait enlevé le charme de ce qui faisait le DCU. Le DCU, quand t'allais le voir, tu t'attendais à un truc sérieux, quoi. Puis après ils ont dit, oh, mais Marvel ils font des blagues, l'effet fait Suicide Squad aussi. Hein. Oui. Suicide Squad, c'était prévu pour être sérieux. Après, ils t'ont rajouté des blagues. Sinon, ça fait de la merde. Pire, hein. C'est quand même un niveau. Ah oui, aussi, clairement. Justice League est mieux que Suicide Squad. Faire pire que Suicide Squad. Ceci s'appelle Dragon Ball Evolution. Mais déjà, on a un film qui est pas très bon. Ouais. Donc, même rajouter, parce que là, il faut savoir que le film fait 2 heures à peu près, le Suicide Squad. Justice League. Je me trompe. Justice League. Et que là, ils vont rajouter 2 heures. Donc, ils vont en faire une mini-série qui va être diffusée sur HBO Max en 2021. Il y a pas de date encore. Donc, ils vont doubler. Alors, j'espère que ça va avoir un effet bénéfique comme ça a pu l'avoir comme Batman vs Superman par exemple. Ah, BVS, c'est vrai que la version longue était beaucoup mieux que la version courte. Plus réussi avec des enjeux encore plus, des enjeux bien expliqués et tout. Des explications aussi mieux. Tu comprends pourquoi il retourne sa veste aussi facilement plutôt que. Et puis voilà. Mais et là, j'espère que on va améliorer l'histoire et puis qu'on va essayer de gommer un peu tous ces fonds verts dégueulasses qui dans les scènes en Russie là. Je sais pas si tu te souviens là. Oh ouais. C'était vraiment moche quoi. Oh ouais. Là, c'est vrai que là. Encore une fois, trop compter que sur vos effets spéciaux, ça vous sauvera pas une licence. Hein. Puis j'espère que Ben Affleck sera un peu plus alerte, parce que là, moi je trouve qu'il y a un fossé entre son interprétation de Batman vs Superman à Justice League. C'est plus le même personnage. C'est plus le même personnage. Dans Justice League, c'est vrai, comme tu dis, on dirait une brique. Tandis que dans BVS, il bouge, il se prend des coups, et voilà. Pareil pour Henry Cavill, je trouve qu'il est complètement transparent dans Justice League, alors que dans Batman vs Superman, on sent la présence du bonhomme, quoi, tu vois. Ouais. Bon, celle qui restait égale, c'était quand même Gal Gadot en Wonder Woman. Bah, du coup, là, il n'y avait pas de problème. Elle a dû porter le film. Hein, Et peut-être Momoa en Aquaman. Encore une fois, ça faisait. Enfin, voilà, transformer Momoa ou. J'allais dire Zac Efron, celui qui faisait Flash. Ou celui qui faisait Flash en comic relief, c'est un peu dommage. Ouais, c'est ça, c'est vrai que Cyborg et Flash étaient quand même des personnages un peu délaissés, quoi. Bah, mais Aquaman, côté, quoi. Hein, c'était Aquabro, hein. Après, il y a eu un film que moi je trouve pas terrible, mais bon, on est emballé, mais sans plus, quoi, en fait. Ouais, pour le visuel. Ouais. Je m'attends pas à quelque chose de mieux, je veux voir le visuel. Allez, on va enchaîner sur The Suicide Squad, parce que c'est pas Suicide Squad numéro 2. Moi, je veux pas en parler, moi, il y a pas Slipknot dedans. Ça, je m'en doutais. J'ai tendu la perche à mon ami Teddy, parce que je savais que s'il n'y avait pas Slipknot qui mourrait d'une façon mais vraiment conne, mais que de chez conne, quoi. J'espère qu'il y aura son fils qui va mourir. Qui va dire, allez, salut, hein, puis il va se faire éclater la tronche. Je crois que c'est la meilleure scène de Suicide Squad pour moi, hein, celle-là. Bah, je sais pas, c'est la seule que j'ai retenue. Parce que tout le reste, c'est oubliable, quoi. C'est la seule que je peux revoir en boucle. Tu fais un montage YouTube, tu sais, avec la scène de... Allez, salut. Salut, boum, hein, je le remets. Voilà. Non, mais c'était vraiment nul, quoi. Mais bon, il y a pas Slipknot, effectivement, mais il y a quand même apparemment une vingtaine de personnages, quand même. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup de morts. Ouais, en espérant que ce soit pas des morts à la con. Donc, au casting, on retrouve, bien sûr, Margot Robbie, parce qu'ils peuvent plus s'en séparer non plus. Ah bah ça, elle va devenir incontournable. Donc, Harley Quinn pour la 3e fois, on parlera tout à l'heure de Bird of Prey. Et puis, il y aura Idris Elba dans le rôle de... je sais plus le nom du personnage, il y en a tellement. Et puis, il y a les retours de, notamment, de Joel Kinnaman qui faisait Rick Flag dans l'ancienne version et de Jay Courtney qui faisait le capitaine Boomerang qui lui aussi revient. Quand le gros cliché du mec bourré australien. Ouais, l'espèce de d'alcoolique. Voilà. Ouais, donc ça recommence, quoi. Donc James Gunn, c'est pas quelqu'un qui fait du cinéma sérieux en général, ses films sont, il y a toujours un second degré dedans, hein, quand on voit les Gardiens de la Galaxie par exemple, les deux. J'avais bien aimé le premier, mais le deux, je le trouvais quand même assez nul. C'est pas pour toi aussi. Ouais, pas nul, mais on s'en rapproche. Il est pas bon, quoi. The Suicide Squad, alors on sait pas encore l'histoire, et puis... Et on sait toujours pas l'histoire du premier, hein. Il y a 2 vidéos qui ont circulé, il y a une vidéo sur le tournage, où là, on a quand même un alignement, mais vraiment un montage cut, où t'as pas le temps de voir, t'as les gens, j'ai quand même une espèce de montage hyper promotionnel, où disent tous, ah ouais, c'est super, c'est un grand film, c'est le plus grand film que j'ai jamais tourné, mais il faut arrêter les conneries des fois. Bah, celui qui dit ça, c'est le premier film qu'il a tourné, alors. Non, mais bon, quand t'entends certaines personnes dire ça, parce que bon, ça manque un peu de finesse, puis voilà, quoi, mais on a rien vu, on a vu les costumes, on a vu les personnages. Il y a Amanda Waller aussi qui revient avec la même actrice. Ce serait une histoire qui se déroulerait pendant la guerre du Vietnam, d'après ce que j'ai compris. Qu'est-ce que Margot Robbie met dans la faute là? C'est ça, le truc, hein. Je ne sais pas, j'ai pas bien compris. Ou ça s'inspirerait d'un conflit au Vietnam. Enfin, j'ai pas bien compris, c'est pas très clair. Ou c'est moi qui ai pas compris, je suis désolé. C'est encore un peu brouillon, hein. Pour l'instant, on dirait plus un envers du décor que un trailer. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de. Ouais, il fallait livrer un montage pour le fandom, et puis voilà, quoi, on vous donne ça. Ça fait un peu parce qu'on a que ça, quoi, à vous balancer. Donc on montre un peu les costumes. Il y a des costumes qui sont franchement kitsch hein, quand tu regardes dans le truc. Après, ils ont pas t'as encore même... passé par la post-prod, donc j'espère qu'ils vont rendre. T'as même le catcheur John Cena qui joue dedans. Je sais pas si tu connais un petit peu de nom. Ouais, je connais un peu. Et il va être d'ailleurs dans Fast and Furious 9. Ah ouais, il joue aussi lui. Ils vont recruter tous les catcheurs dans Fast and Furious. Faut dire, les acteurs ne tournent plus alors. Batista, il est pas encore dans le lot apparemment. Il va pas tarder lui. Ça c'est rien, on le voit dans Dune là. C'est quand même plus sérieux que Fast and Furious. Hein. John Cena avec son costume qui est un petit peu ridicule quoi, faut avouer. Et puis j'ai vu qu'il y avait Peter Capaldi dans la distribution. Ah, j'ai pas vu celui-là. Mais il y a un masque apparemment, donc Peter Capaldi, faut le rappeler, c'est le docteur. C'est le docteur Who dans les saisons 8 et 9, il me semble, un truc comme ça. Ah, je ferais pas tenir le numéro de la saison. Ouais. Toi t'es plus spécialisé pour moi de docteur Who, mais bon, Capaldi donc l'acteur, bon, à mon avis, qui va pas non plus faire des flammes non plus dans ce film vu que ils sont quand même une vingtaine. Et encore une fois, il y a deux trois acteurs qui sont mis en évidence. Voilà ce que j'allais dire. Tu vas mettre 2-3 acteurs en évidence et les autres sera de la chair à canon. Hein. Donc Margot Robbie, l'argument commercial qu'il faut sortir. On peut pas non plus juger parce que il y a pas vraiment de substance pour moi. Ouais, et puis voilà, il y a pas matière parce que c'est vraiment l'envers du décor. Donc moi, pour l'instant, t'en sais pas plus. On sort du DC fandom pour rentrer dans le Star Trek fandom, Star Trek Discovery saison 3 qui arrivera à partir du 15 octobre sur CBS. Alors là, je vais pousser un coup de gueule contre CBS parce que c'est bien beau de mettre des trailers sur YouTube, mais si c'est pour les mettre dans les zones et qu'on puisse pas les voir et qu'il faille aller chercher ailleurs pour dans une autre plateforme pour pouvoir le voir. Ouais. C'est complètement ridicule. Ouais, quand gros, vous faites de la promo, vous la faites en généralement. Je vois pas pourquoi vous zonez les trailers. C'est-à-dire que tu peux pas les regarder si t'es pas aux États-Unis. Aux États-Unis ou au Canada. Même au Canada, je sais même pas s'ils ont le droit de regarder. Enfin bref, il faut aller chercher sur une autre plateforme. Attends, maintenant, s'il faut avoir un serveur VPN juste pour regarder un trailer, moi je trouve ça grave. Ça fait mal. C'est vraiment n'importe quoi, moi, pour moi. Bon, je trouve pas très subtil comme technique promotionnelle. De toute façon, c'est anti-commercial, parce que du coup, on n'est pas hypé. Si on n'a pas accès au trailer, on se dit pas chouette, on va aller le voir. Du coup, on en a rien à faire. C'est totalement ridicule, quoi. Ils ont fait le même avec Picard, ils ont fait le même avec Lower Deck, qui est une nouvelle série animée, là, tu sais, un petit peu parodique. Dans les prochaines séries, j'en parlerai juste après. Il y a deux nouvelles séries qui doivent arriver après. Donc voilà, nous, on a réussi à le voir parce qu'on a été sur Dailymotion, sans VPN. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont quand même réussi à le downloader et puis de la mettre en machin. Et ils le suppriment automatiquement, ça fait dire qu'on peut même pas faire une analyse du trailer sur YouTube. Il y a une chasse au trailer de la saison 3, carrément. Ouais, carrément, ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas politique. Quand on fait une recherche, ça n'apparaît pas ou c'est le premier trailer qui apparaît, quoi. Ouais, et du coup, on n'a pas d'avis de ceux qui sont passionnés parce qu'ils peuvent pas participer. Donc il n'y a pas de commentaire. Ouais. C'est ridicule. Moi, je vous dis, je sais qu'ils m'écoutent pas, qu'ils n'ont rien à foutre de ce que je pense. Bon, du coup, on peut se lâcher. Mais c'est ridicule, quoi, c'est tout. De toute façon, je pense que les majors, s'ils vont nous mettre sur liste noire avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est pas grave, mais on s'en fout. Star Trek Discovery, donc on terminait un petit peu sur Burnham qui propulsait le vaisseau 2000 ans en avance, il me semble. Elle remorque le vaisseau sur quelques milliers d'années. Donc ils arrivent en l'an 3000, et puis dans ce trailer, en fait, on voit pas grand chose de l'histoire. Hein. Apparemment, la Fédération et Starfleet, c'est un petit peu délité, donc il n'y a plus cet esprit de collaboration et de planètes unies. Il n'y a plus l'esprit Starfleet, tout simplement. C'est ça. Il a complètement disparu. Et donc, t'as quelques beaux plans, hein. Notamment, t'as le Discovery qui fait sa chute. Alors, ça rappelle une scène de Star Trek Génération. Je sais pas si tu te souviens, quand il y a la soucoupe de l'Enterprise qui atterrit sur la planète, là, à un moment. Oh, je m'en rappelle plus. Je t'en souviens plus. Alors, ça rappelle cette scène-là, par exemple. Il y a une paire d'épisodes sur Star Trek, quand même. Hein. Star Trek Génération, c'est un film. Ah merde. C'est le film où Shatner il meurt, où Kirk il meurt, là. Non, j'ai pas vu celui-là. Tu l'as pas vu, cette Génération. Pas vu. J'avais bien aimé. Bon, j'ai un problème avec les films, Star Trek. Il torpillé par beaucoup de monde. Moi, c'est un film que j'aime bien. Bon, quelques beaux plans, quelques plans numériques, le retour de la vitesse sporique, une fois de plus. Des personnages qu'on a envie de voir et d'autres qu'on n'a pas envie du tout. Il n'y a pas Tyler, je suis désolé. Donc on a un retour de notre cher Michel Yao qu'on adore, mais que là-dedans on trouve complètement... C'est pas Michel Yao qui m'insupporte là-dedans, c'est ce qu'ils ont fait du personnage. C'est ça, c'est Giorgio dire c'est Giorgio qui m'insupporte, pas Michel Yao. Michel Yao, c'est une bonne actrice, elle arrive quand même à sortir le personnage un peu, mais le problème c'est que le personnage est très mal exploité, donc forcément... Il est très mal écrit, hein. De toute façon, on mettait en évidence dans notre critique de la saison 1. Non, c'est pour dire que Michel Yao s'en sort très bien, même surtout dans les scènes de baston de casque. cascade. Hein. Elle est quand même, c'est quand même une femme qui est impressionnante. Elle vient du Cirque du Soleil, donc ouais, forcément aussi. Elle est impressionnante. Hein, je veux puis, dire, c'est du Cirque du Soleil, hein, t'as affirmé là-bas enfin, je sais qu'elle a été formée aux mêmes écoles que Jackie Chan et. Ah oui, bah, de toute façon. Sammo Hung ou les trucs ouais, comme ça. Donc, de toute façon, elle a été à bonne école parce que Jackie Chan, c'était. C'est des films qui sont impressionnants, hein, les films de, qui sont faits à Hong Kong déjà. Et puis les films à Hong Kong, enfin, il faudrait que je vous montre les scénarios qu'on trouve sur Internet. Ouais. Marqué scénario, puis à un moment, il est marqué action scene. Et c'est open bar, et tu dois faire une scène d'action et tu te dénerves. Ah, Jackie Chan, c'est très débridé. Dans... Oh, le jeu de mots. Comme. Jeune mot limite raciste. Oh non. Je le garderai, hein, au montage, je m'en fous. Hein. Oh bah je m'en fous, sinon qu'il l'a dit. Débridé, c'est un mot qui existe dans le dictionnaire, je suis désolé. Hein. Et à Michel Yeoh, même école, c'est-à-dire que les scènes d'action sont forcément bien réalisées parce que, bah elle sait se battre. Ah, c'est la bonne école, quoi. Hein. C'est la bonne école. C'est tout chorégraphié, c'est tout. Voilà. Bah, les mêmes scènes de Matrix, elles viennent de Hong Kong, hein, aussi. Hein, ouais, si bah, elles sont super bien chorégraphiées. Ah, hein. Oui, oui. Voilà, quoi. Il y a Jet Li, il y a tous ces grands artistes martiaux, limite. Ah, hein. Oui. Hein. On parle de Jackie Chan parce que c'est le seul qu'on connaît, mais. Bah, il y a Jet Li aussi. Ouais, Jet Li. Il y a Donnie Yen aussi, voilà, qu'on a vu dans Rogue One. Après, t'as celui qui faisait Tortue Géniale dans Dragon Ball Evolution. Il y a Cho Yun-Fat, pas d'art martiaux, Cho Yun-Fat, je crois. Cho Yun-Fat, moi, je vous dis d'intégrer Dragon, t'y crois aussi, hein. Oui, oui, oui, oui. Voilà. Je pense qu'il est moins porté sur les arts martiaux que ceux qu'on a. Ouais, je suis d'accord, il est moins athlétique que tous les autres, ouais. Mais il se débrouille bien quand même. Hein. Oui, oui, c'est un excellent tata. J'aime beaucoup Cho Yun-Fat, surtout dans les films de John Woo, tu sais, ou les polars un peu de gunfight. Voilà, encore une fois, on s'est éloigné du thème. Et je sais même plus de quoi en parler. Bah, on parlait de Michel Yeoh. Ah ouais, c'est vrai. On va revenir à George Woo et puis notre cher Tyler qui a disparu. Alors ça, c'est une bénédiction quand même que Tyler soit disparu. Hein. Ouais, j'espère juste qu'il pas être cryogénisé qui va revenir. Ah, ils sont capables de faire ça. Hein. Oh, il y en a marre, là. Ou le mec va faire un bon exprès rien que pour nous faire chier. Ah ouais, ouais, ils vont retrouver une machine à voyager dans le temps. Hein. Bah, du docteur Wood qui a pas le dit. Le TARDIS. Oh, le crossover. Ne rigole pas, parce qu'il y a eu un crossover en comic book, Star Trek, Doctor Who. Hein. Oh, si, si, si. Oh, il y a le TARDIS qui croise le Kirk et Spock de l'Enterprise. Oh, hein. Là, là, là. Si, si, ils l'ont fait. Hein. Ils ont fait plein de crossovers dans les comics. Hein. Voilà que Star Trek Discovery, ouais, bah, une impression de... Hein, ce sera pas une série prioritaire pour moi, tu sais. J'ai suivi les deux premières saisons. Le visuel est top. Mais je pense que c'est la saison de trop pour moi. Le visuel est top. Ouais, bien sûr. Par contre, c'est dommage parce que à chaque fois, enfin, je veux dire, là, ils ont quand même clôturé en apothéose la dernière fois. Bah, tout complètement. Et du coup, tu te dis, ils vont repartir comme un Stargate Universe, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un vaisseau à moitié défoncé, et puis ils vont devoir se débrouiller, quoi. Ça fait un peu déjà vu. Bah, on verra. Moi, je vais quand même regarder, s'il passe sur Netflix, je vais le regarder. Par contre, s'il est hors plateforme, là, ça va être plus compliqué. Va falloir passer par un réseau parallèle, à ton avis. Bah, je mettrai en VPN sur CBS s'ils sont d'accord, mais. Après, ça va être compliqué. C'est pas le réseau parallèle que je pensais, mais bon. Je pense que les auditeurs auront bien compris. Encore une fois, c'est un petit pic aux Majors, tu sais. Ah, mais attends, on va parler des Majors. Allez, vas-y. Déjà, qui te bride la bande-annonce, alors je te raconte pas pour trouver les épisodes. Il bride. Ah, je veux dire, la bande-annonce, déjà, rien que pour la voir, tu dois en chier des briques. Ah, c'est vrai qu'il faut. Alors, si c'est pour le regarder après et qu'il faut prendre un abonnement CBS via un copain américain, ça vaut pas le coup. Hein. un cousin américain, on va dire. Un copain, hein, ouais. Un cousin. Le cousin américain qui te rapporte tous les films et tous les VHS et tous les trucs dans le temps, tu sais. Ça sent le vécu. Ça sent le mec expérimenté, quoi, tu vois. Ouais, Discovery, pas une priorité. Par contre, la série suivante, là, ça va être prioritaire. Ah ouais, on est d'accord. Ouais, voilà. Tu viens de voir tout à l'heure le trailer. Alors là, voilà, là, un trailer qui m'a hypé et j'ai dit, ah tiens, là, faut que je le voie. Ah ouais, faut que je le voie. Alors, tu veux l'annoncer? Bah, c'est une petite série indépendante, c'est The Mandalorian. Je sais pas si les gens connaissent. On parle tellement peu de Star Wars dans ce podcast que... Star Wars, je sais pas, je connais pas. Qu'est-ce que c'est que cette franchise avec des épées laser et des... et des mecs qui sont asthmatiques? C'est un truc obscur, ça. Je suis content. Alors, The Mandalorian. The Mandalorian saison 2, là. Ouais, Star Wars, The Mandalorian, grosse attente, quoi, quand même. Grosse attente, très très grosse attente. Donc, déjà, on compte les jours jusqu'au 30 octobre, quoi. Ouais. Par contre, je sais pas si ils vont passer tous les épisodes d'un coup. Bah, j'espère. Ou ça va être progressif comme. Non, j'espère qu'ils vont faire, parce que j'ai l'intention de faire le mois gratuit du Disney Plus pour The Mandalorian. Ouais, mais justement, je pense que ça va être dans cette optique-là qu'ils vont faire traîner la série. Ah, oh, merde, c'est con. Pour perdurer dans l'abonnement, pour faire l'abonnement de perdurer. Bah, ouais, pas mal d'images, on va quand même parler de ce trailer, parce qu'il nous a remis un peu dans le... Moi, c'est le trailer qui m'a le plus... De toute façon, visuellement, il est top. Et puis même, au niveau ambiance, tu te rapproches du premier et tu te rapproches aussi d'un bon Star Wars, c'est-à-dire que t'as envie d'en savoir plus. Il te balance pas c'est des pas, personnages. C'est pas l'épisode 9, quoi. Non, il n'y a pas d'épisode 9. Il y a 4, 5, 6, 1, 2, 3, c'est tout. Il n'y a plus rien là. Il y a Rogue One, Solo, et ouais, c'est tout. Après, il n'y a plus rien après. On a totalement oublié dans notre univers. ça fait partie d'un autre mode, d'un autre univers. C'est un what-if. Et s'il y avait eu un épisode 7? Ah, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. Avec Rey et Finn. Oh là là là. Non, bon, on parlait un petit peu de... Il y a quand même pas mal de fanservice, hein, faut quand même reconnaître. Ah oui, que... mais c'est du Star Wars, c'est normal. Dans un plan, t'as un guerrier Tusken sur son gros mammouth. T'as les X-Wing. Les X-Wing. Ça, c'est magnifique, moi, je trouve. Les Troopers avec les mobilettes, oui, de... les Scoot Bikers. Les Scoot Bikers, ouais. Donc, qu'on a vu... Avec les mobilettes. La mobilette de l'espace. Teddy et sa mobilette de l'espace, excellent. J'espère qu'il y aura des Ewoks. Hein. On a eu une référence à Andor, souviens-toi, dans l'épisode avec le... Quand ils arrivent dans le village, là, avec le AT-ST. Ah, pour, oui. pour moi, c'est un clin d'œil au Jedi. Hein. Ouais. C'est tout juste, ils allaient pas envoyer la fronde pour, tu sais, pour qu'ils se cassent la gueule, quoi. Ouais, des bouts de bois et des cailloux. Hein. Ou les rondas, tu sais, boum, pour faire exploser la tête. Là, on digresse quand même. Hein. Bon, non, ça reste Star Wars. On n'est pas dans... Non, mais bon... Puis bon, ce plan avec les X-Wing qui poursuivent le Razor Crest, le vaisseau de Din Djarin, maintenant qu'on connaît son nom. Ça, je suis impatient, quoi, de le voir, celui-là. Ah ouais, bah, côté fan en toi, a dû bien raisonner. Ah, complètement. Mais moi, même sans le côté fan, voilà. Enfin, je sais pas, j'aime bien ce qu'on dirait... Bah, je vais me répéter par rapport à The Mandalorian de saison 1, ouais. Mais on dirait et un western, et un space opera, et un road movie. Enfin, j'aime bien, quoi. Voilà. C'est ouais, vraiment c'est plusieurs styles qui se mélangent et qui fonctionnent très bien ensemble. Bon, il y a des facilités, mais ça, c'est comme dans tous les séries. Et puis, t'as le retour de Baby Yoda, quoi. Ouais, voilà, bon, ça, c'est le fan service. Ah aussi. Oui. Mais... J'ai pas encore vu les jouets télécommandés. J'aime bien, moi, Baby Yoda. J'ai pas encore vu les jouets télécommandés, Baby Yoda. Non, non, mais il y a pas mal de figurines, de statuettes qui sont sorties, là. Je pense que ça se vend bien, ce truc-là. Ouais, un peu moins pendant le Covid, mais ouais. Ouais. Et puis, voilà, quoi. Retour aussi de Cara Dune, la guerrière qu'on avait bien aimée aussi dans le 1, dans la saison 1. Il y a aussi le retour d'Apollo Creed. Ah ouais. Lui aussi, un acteur qui a quand même de la prestance, le mec. Maintenant, est-ce qu'on va... Apparemment, il y aura aussi plus d'utilisation du jetpack. Ça aussi, on est impatient de le voir. Ah, c'est vrai qu'il a son jetpack maintenant. Ouais. Avec le, t'as même les speeders, t'as des scènes de speeder. Enfin, t'as tout ce qui fait le sel de Star Wars. Ils vont tout injecter dans cette saison 2. Je crois que ça va être encore pire que dans la 1. Non, on verra s'il y a moins ou plus de facilité, mais moi, je suis quand même hypé par la saison 2. Ouais, c'est sûr qu'au niveau visuel, ouais. Puis il y a vraiment des beaux plans. Moi, je pense à ce plan où il sort de l'ombre avec Baby Yoda, par exemple, et arrive dans cette ville en pleine nuit. C'est soigné, hein, pour une série. Ouais. Je suis désolé, c'est très soigné. C'est vrai que visuellement, c'est bah, c'est Disney. Disney Lucasfilm, ils ont quand même les moyens. Hein. Ouais. Ils ont beaucoup d'enjeux, hein, sur The Mandalorian. Hein. C'est ce qui fait marcher leur licence pendant un an. Hein. D'ailleurs, il y a encore deux séries qui sont en préparation. Là. Il y a la série sur Cassian Andor. Je sais pas si tu te souviens un peu de qui c'est Cassian Andor. C'est le barbu qui était avec Jyn Erso dans Rogue One. Ouais. Donc ils font donc cette série sur un peu le côté obscur de la rébellion, quoi, un petit peu, parce que Cassian Andor, c'est un agent secret qui est parfois obligé de tuer pour survivre. C'est comme un résistant. Ouais, c'est ça, ouais. Et la seconde, ce sera sur Obi-Wan, avec le retour de Ewan McGregor dans le rôle. J'aime bien Ewan McGregor. J'attends de savoir ce qu'ils vont faire avec ce personnage. Ouais, c'est The Mandalorian, moi je trouve qu'ils ont eu une bonne idée parce que c'est un personnage neutre. Du coup, quand tu le connais pas, tu peux t'y attacher. Comme personne ne le connaît de toute façon, tu peux pas être déçu du personnage. Là, sur des personnages qu'on connaît, les gens, ils vont se dire, ouais, mais. Obi-Wan, on le connaît, hein, on l'a vu quand même dans pas mal de films, hein, c'est ça le. Ouais, ce que je dis, c'est Mandalorian, on le connaît pas, donc forcément, je trouve mieux s'adapter à l'histoire. Tandis qu'Obi-Wan, s'ils doivent reprendre tout le background derrière. Le passif, ouais. Ça risque d'être assez. Bah, surtout que pour les fans. La série, elle va être placée entre l'épisode 3 et 4. Donc, l'épisode où il est exilé sur Tatooine. Donc, il va devoir surveiller Luke. Il va falloir faire pas mal d'épisodes sur Tatooine. Vu qu'il est pas censé non plus s'éloigner de la planète. S'il commence à se barrer à gauche et à droite, hein, il y aura rien de problème avec Luke, de toute façon. Ouais. Ah ouais, au fait, j'avais oublié de préciser pour les nouvelles séries Star Trek qui sont en prévision. Donc, on en a déjà parlé, il y avait la série sur Georgiou qui s'appelle Section 31. Donc Section 31, c'est les services secrets de Starfleet. Ouais, c'est la CSA de Star Trek, quoi. Ouais, c'est le service secret de Starfleet qu'on avait qui était présenté dans la saison 2, quoi, tu vois. Donc avec les deux personnages et puis l'intelligence, là. Ouais, et voilà, quoi. Donc elle, ils vont concentrer ce qui est encore plus un non-sens, parce qu'ils vont en faire l'héroïne de la série. Ah, c'est un peu par court, rapport hein. à son passif de la saison 1, tu vois. Bah, le problème c'est que voilà, il y a une grande différence entre la saison 1 et la saison 2. Hein. C'est-à-dire que la saison 1, c'est vraiment l'antéchrist, hein, quasiment quoi. Ouais, c'est Puis dans la saison 2, elle défend Michael Burnham, tu sais des fois même pas pourquoi. Ouais, c'est vraiment, il y a cette relation, bon, on va dire, de mère-fille. Quoique des fois, on sent qu'il y a une attirance. J'ai senti comme une attirance physique. Ah, des fois, on se demande hein, s'il y a une attirance, on va dire, homosexuelle ou mère-fille, on sait pas. Ouais, on sait pas sur quoi ça danse. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vas regarder si cette série elle passe? Je sais pas te dire. Faudrait que j'envoie des épisodes, des trucs. Parce que George Wu, il est très mal exploité. Donc, forcément, ça donne pas envie de regarder le reste. Et la deuxième, donc. La deuxième, je trouve pas que ce soit super original. Ça va être Star Trek New Worlds. Alors, en fait, on aurait le retour de Pike numéro 1 et Spock. Mais version Discovery. Ok. Bon, je suis pas convaincu plus que ça. Non. Parce que le problème, c'est que à mon avis, ça va faire redondance avec la série classique. Non, puis ça fait un peu on exploite le filon tant que ça marche. Ouais, c'est ça. Donc voilà, maintenant ce sont des projets. Hein. C'est pas sûr que ça va se faire. Ouais. À mon avis, ça va un peu dépendre aussi de la continuité avec Picard. Parce qu'ils vont certainement tourner la saison 2 et aussi la saison 3 de Discovery. Mm. Ils vont voir si vraiment les fans restent accrochés. Après, ils sortent pas sur les mêmes plateformes non plus. Aussi. Bah, c'est toujours CBS qui produit, mais bon. Mais voilà quoi. Bah, CBS et Paramount, toujours. On a fait le tour. Hein. Je pense qu'on a rien oublié en termes de trailer. Non, je pense qu'on peut arrêter pour cette première partie. Donc voilà, après la. On va dire la petite digression sur les trailers. On va repartir peut-être maintenant plus sur, on va dire, sur de l'analyse et sur de l'explication sur plusieurs films qu'ils ont sortis. Alors j'ai du mal à dire récemment parce que depuis 6 mois quand même, ça commence à dater. Notamment, on va parler donc de Harley Quinn. J'ai du mal à dire Birds of Prey parce que pour moi c'est un film Harley Quinn. C'est Birds of Prey and the Emancipation of Harley Quinn. Voilà. Enfin, à mon avis, ça aurait dû être l'inverse, tu sais. Harley Quinn and the Birds of Prey. Ça aurait été un peu plus logique. On va partir sur ça en premier. Voir qu'est-ce qu'on peut dire de ce film. Bon, bah, on va finir là. Hein. C'est bon, bonne journée. Voilà. Tu l'as fait comme Star Wars, tu sais, début de Star Wars 8. Non, ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce film, déjà? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce film? Ben voilà, c'est tout. J'aurais envie de dire à Margot Robbie, elle est mignonne. Ça fait pas mais, un film. Mais qu'est-ce qu'elle est nulle dans ce film? Puis qu'est-ce qu'elle est casse-couille aussi? Non, mais qu'est-ce qu'elle est nulle par rapport au Suicide Squad? Où là, elle domine le casting, quoi. Dans Suicide Squad, elle domine le casting à moitié, c'est-à-dire qu'il y a quand même. Il y a Will Smith avec. J'allais dire Bruce Willis. Il y a quand même Will Smith et eux qui font un, on va dire, jeu égal. Donc quand on a marre de voir la gueule de l'un, tu vois la gueule de l'autre. Ouais. Ça, c'est pas un problème. Par contre, là, elle porte le film elle toute seule. Et je trouve qu'elle a pas les épaules pour porter un film, en fait. Non, c'est pas. Ou alors la direction artistique qui a été donnée, c'est de la merde. Deux. Ouais, mais je pense qu'on a beaucoup de fait de reproches à faire à ce film. Moi, le reproche principal que je lui fais, c'est que c'est un film qui est rempli de clichetons, mais de A à Z, de début jusqu'à la fin. C'est pas subtil du tout. Et puis on a cette espèce de manichéisme entre l'homme et la femme. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est quoi ce délire? Enfin, je veux dire, ouais, voilà, là ils veulent à tout prix montrer que la femme est supérieure à l'homme. Enfin, pourquoi pas? Mais je veux dire, mais là c'est le personnage qui devrait être supérieur à un autre personnage. Ils sont aussi cons d'un côté que l'autre là-dedans. Ouais, mais je veux dire, là ils ont entamé une guerre des sexes. Ils auraient mieux de faire entamer une guerre des personnages. Moi, savoir que les hommes sont meilleurs que les femmes ou que les femmes sont meilleures que les hommes dans un film, ça ne m'intéresse pas. Par contre, savoir que Harley Quinn est meilleur que Black Mask ou Black Mark, ce qui est meilleur qu'Harley Quinn, ça m'intéresse. Déjà plus. C'est super mal écrit, quoi. C'est écrit avec le cul, quoi. Bah, de toute façon, tu vois tout arriver. Hein. C'est mon expression favorite, mais c'est écrit avec le cul, quoi. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai qu'il y a des moments où tu vois tout arriver. Je suis désolé, je suis pas subtil, mais c'est quand même à l'image du film, quoi. Bah, le film est pas subtil. Non, du tout. Tu dis que c'est du pas tout, subtil. Mais les mecs là-dedans, c'est des gros cons, quoi. Mais c'est soit. Il n'y a pas un seul qui est bien, quoi. Il n'y a pas de juste milieu. C'est, on dirait, une caricature. Oui, et puis les femmes, c'est toutes des victimes. C'est, les mecs, c'est tous des salauds. Je suis désolé. C'est pas le monde où on vit, quoi. Ouais, pour moi. Il y a du bien et du mal du deux côtés, hein. Bah, voilà, comme tu dis, c'est binaire, c'est magnifique. C'est caricature à la mort, quoi. C'est 0-1, 0-1, 0-1. Ouais, c'est ça, moi, ce qui m'a pesé le plus. Bon, j'ai regardé jusqu'au bout, mais c'était quand même pénible comme vision, hein, faut avouer que. Oh non, la fin est bien, hein. C'est-à-dire quand le maire qui marquait The End. Ah, c'était bien. J'ai même pas cherché à savoir s'il y avait une scène post-générique entre nous, parce que franchement, c'est tellement nul, mais nul de chez nul. J'ai pas regardé jusque là. On va me dire, t'es vraiment anti-féministe, mais non, mais pour moi, le féminisme, c'est pas Bird of Prey, je suis désolé. Je suis désolé, c'est... le féminisme, ils sont gourés. S'ils veulent faire un film féministe, c'est pas en désinguant les masculins. C'est pareil, si tu veux faire un film macho, c'est pas en désinguant les femmes. Ce qu'il faut, c'est montrer que... Ce qu'il aurait fallu, c'est montrer que... Un équilibre, quoi. Moi, l'émancipation d'Harley Quinn, je suis désolé, je l'ai pas vu dans le film, je sais même pas pourquoi c'est là. Mais c'est nul, dès le départ, c'est nul. Voilà, elle balance un camion sur l'usine... J'arrête pas de te couper, excuse-moi. Elle balance un camion sur un... Sur l'usine Acme. Complètement con, d'ailleurs, parce que de toute façon... Sur Ace Chemical. Au risque de quand même de contaminer tout Gotham. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas d'univers partagé du tout dans ce film-là, parce qu'il n'y a pas de Batman qui intervient, il n'y a pas de personnage. Bon, il y a les Board of Press, soi-disant, t'as Hunter, t'as Huntress. Femme à l'arbalète. Ouais, elle est complètement vide aussi. T'as René Montoya, la flic, là. Puis t'as... Black Canary. Bon, qui a un peu plus de, je vais dire, de présence dans le film. C'est peut-être le personnage que j'ai trouvé le moins pire dans ce film-là. Elle te balance un truc, et puis, je suis émancipé du Joker. Ça fait vraiment gamine de 16 ans, quoi. Pour moi, ce film, il est destiné à des gamines de 13-14 ans, c'est tout. À des ados. Ouais, des ados. C'est un film d'ados. Mais il n'y a aucun regard vers le passage adulte, vers le... Non, mais il n'y a rien de constructif, surtout. Non, il n'y a rien. Elle construit pas sa vie, elle reste au statu quo, c'est un peu con, quoi. Avec son kléber, là, qui s'appelle Bruce, je sais pas quoi. Ouais, la hyène. Ouais, la hyène, ouais, en plus. Ouais, mais ça, c'est nul aussi. Elle s'est séparée du Joker, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est censé être un point de départ, mais c'est mis... Et puis c'est quoi ces scènes avec des arrêts sur image, avec des espèces de tags pour marquer les noms si tu es en train de marquer? Bah ça fait Suicide Squad, hein. Ah ouais, mais bon, c'est mauvais, c'est mal fait. Ouais, c'est pas parce que... Qu'est-ce que c'est que ces scènes d'action? Attends, je vais pas poser des questions, parce que de toute façon, je suis quand même effaré de voir des merdes pareilles, mais... On va se déchaîner là, parce que déjà on était bien parti tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que ces scènes d'action qui sont nulles, qui sont... Il y a un montage qui est vraiment nul, qui est du ralenti et tout, qui est pas bien fait. Cette scène, mais t'as vu, elle débarque avec son flingue dans le commissariat, quelqu'un comme ça qui débarque dans un commissariat, les flics c'est comme les stormtroopers, ils tirent mais ils atteignent pas leur cible. Ils tirent même pas, ils dégainent même pas. C'est quoi cette scène là, encore une fois? C'est, je sais pas moi, je trouve ça risible. T'as vu pas de sang, hein, des paillettes. Ah non, mais rien, c'est naze, c'est vraiment naze. C'est vraiment le film de un peu de gamine, quoi, limite. Puis après, elle fait du karaté, elle fait des arts martiaux à un moment et tout, là, tu sais, dans la prison, là, où il y a plein de flottes et tout. Là, ouais, bah c'est toujours dans le commissariat. Bah, c'est nul aussi, ça. Je sais pas, les scènes d'action, et puis la fin, quand Black Mask, alors là, j'aime bien McGregor, mais je le trouve mauvais à un point. J'ai jamais vu aussi mauvais dans ce film. Les personnages femmes masculines, de toute façon, ils sont tous médiocres, il faut le dire. Mais non, pas que tous les personnages sont médiocres. Ouais. Autant les féminins que les masculins, on va dire. Et puis, on arrive dans cette soi-disant climax de fin, tu sais, où il y a 50 mecs qui se battent contre 4 femmes. C'est ça, je crois. Ouais, dans l'espèce de foire, là. Dans un château hanté. Un château hanté de fêtes foraines. Hein. Ouais, c'est ça. L'espèce de train fantôme, on va dire. Ouais, voilà. Ouais. C'est nul et puis c'est mal fait. Mais je sais pas, moi, aller voir ça au cinéma, c'est consternant, quoi, de mettre des films comme ça. Je crois que j'ai préféré Batman et Robin, moi. Ah oui, c'est quoi, c'est plus divertissant. Ouais. Parce que là, on atteint quand même la médiocrité dans le DC-verse, hein, là. Puis je sais pas, Margot Robbie. De toute façon, c'était mal barré, il faut quand même le dire. C'est que dès le trailer, c'était mal barré. Bah déjà au trailer, on l'avait quand même pas mal descendu. Ouais. Et bah ça s'est confirmé à la lecture du film, hein. C'est-à-dire que le film, pour moi, c'est une version longue du trailer, quoi. Bah ouais, on a vu un trailer de presque deux heures. Ils ont montré une partie du pire, et l'autre partie, tu le vois dans le film, quoi. Mais en fait, t'as l'ambiance générale du film, tu l'avais déjà dans le trailer, quoi. Ouais, puis c'est pas passionnant, puis c'est un peu bordel, puis t'arrives pas... Tu peux t'attacher à aucun personnage. Ouais, c'est sûr. Et puis t'as pas trouvé ça pénible, quand même, comme visionnage? Bah si. J'étais content quand le film est fini. T'as pas été tenté de faire x2 ou x5 ou... Non, mais j'ai pas été tenté de le regarder avec un esprit bien reposé non plus. C'est quelque chose qui m'a captivé. Même tu me disais tout à l'heure, t'as regardé Fast and Furious et puis t'as mis ton cerveau sur pause. Mais là, je pense que c'est tellement absurde et risible que... Même en mettant son cerveau sur pause, tu dis merde, mais c'est vraiment con comme film. Ouais, c'était vraiment. Ouais. On est vraiment dans le. On n'est pas sur un nanar parce que c'est pas quelque chose qui se veut comme ça, mais. Ouais, je sais même pas s'il y avait un lieu à ce film qui était intéressant ou quelque chose, mais. Ouais, voilà, il y a même pas de scènes qui m'ont marqué en fait. Ouais, même les scènes d'action, elles sont complètement nazes. Hein. Ouais, les scènes d'action, puis je sais pas, elles sont mal filmées, j'ai l'impression de regarder un live action de Sailor Moon ou un truc comme ça. Je crois que la pire scène, ça va me revenir là parce que. La pire scène, c'est la scène du sandwich. Ah ouais. Qu'est-ce que ça vient foutre dans un film comme ça? Bah, c'est pour montrer le côté décalé, hein, c'est tout. Hein. Ouais, mais Tarantino, il fait bien, hein, le côté décalé. Mais là, il n'y a pas de talent là, derrière la caméra. Ça se voit qu'il n'y a pas de talent. C'est une faiseuse. Ils ont mis une femme. Mais il n'y a pas le talent, on le voit. Alors, je sais pas si elle va refaire des films, hein, parce que de toute façon. Bah, elle va faire catastrophique déjà. Ah non, c'est James Gunn. Ah, moi, je parlais de l'actrice, moi. Ah, non, moi, je parlais de la réalisatrice qui est derrière le film. Déjà. Ouais, parce qu'il faut mettre plus en plus de réalisatrices. Bon, c'est peut-être pas mal pour la gente féminine. Pourquoi pas, mais faut, pas... faut mettre des gens de talent, quand même. Non, mais voilà, ce que je reproche, mais tu mets une femme ou un homme, je m'en fiche. Un personnage, ouais. Femme ou homme, je m'en fiche aussi. Garde. Mais il faut qu'il y ait du talent et quelque chose à regarder derrière. Patty Jenkins, c'est solide au niveau de la réalisation. C'est Wonder Woman. Ah, ça, ouais. Ah ouais. Donc, tu rigoles pas, quoi. Catherine Bigelow, c'est du solide aussi, hein, quand tu vois ses films. Je sais pas si tu connais Catherine Bigelow, mais c'est une réalisatrice qui a fait pas mal de films d'action, style Point Break, Extreme Limit, ou, tu vois, enfin, des films un peu virils, quoi. Oh, Point Break, ouais. Puis je vais me faire des ennemis, c'est un peu du caca. Hein. De quoi, avec Keanu Reeves et... Oh bah ouais. C'est un peu le film des années 90, quoi, mais en termes d'action, c'est pas mal fait. Action ? Bah non, on n'a pas vu le même film. T'as pas... Ouais, bah... Oh non, c'était lourd. T'as dû dormir, c'est pas possible. Ah ouais, je me suis endormi. Ah ouais, certainement. Je crois que je me suis moins fait chier devant, je sais pas moi, 2001 l'ossier de l'espace. Et ça, c'est hyper contemplatif, hein. Faut y aller, hein, quand même pour... Non, c'est un grand film, 2001, mais c'est vrai que moi, je reconnais que c'est... Il y en a qui sont... Ils sont quand même très hermétiques, il y en a, à ce film-là. Ouais. C'est un peu comme Dune, quoi, de David Lynch. Non, après, des films comme ça, c'est... Bon, il y a quand même des avantages, hein. C'est que, bah, ça te fait tellement chier que ça te facilite le transit, c'est pratique. Ah, l'image, comme je le répète, la subtilité n'est pas non plus dans notre propos, mais elle est vraiment pas dans le film. Ah bah dans le film, voilà, dans le film t'as pas de subtilité. C'est encore pire, je trouve, je dirais. Y a pas de truc marquant, y a pas de truc culte, y a pas Slipknot, y a rien. J'ai pas rigolé une seule fois. Je me suis pas, j'ai pas été tenu en haleine par les scènes d'action. Y a aucun personnage que je peux m'attacher. Même Harley Quinn, je la trouvais nulle à chier. Excuse-moi. Tout à l'heure que je trouvais Margot Robbie très bien dans le Suicide Squad. Ouais, là c'était too much. C'était vraiment. Là, c'est vraiment nul, quoi. On est parti dans les extrêmes et c'est du coup le film. Puis c'est limite mal joué parce qu'à un moment elle est dans une scène où elle va se faire arracher les yeux par l'homme de main de Black Mask. Zaz, c'est la chanteuse, c'est ça. Et donc à un moment elle fait la faux folle et tout, et puis tout d'un coup l'autre il va lui arracher les yeux. Ah, elle redevient normale, quoi, tu vois, limite elle redevient le docteur Harley Quinzel, quoi, tu vois. Ouais. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens non plus vis-à-vis du personnage. Bah après, tout le film n'a pas de sens. Donc, ouais. Ça va, ça reste constant, bon, c'est déjà bien. Ouais, c'est parce que moi, je vais peut-être plus argumenter, parce que moi, on va me dire, ouais, mais tu détruis le film sans avoir trop de cartouches. Bah si, j'en ai des cartouches, j'en ai même des grosses, mais bon, je suis même prêt à sortir le fusil s'il faut, parce que de toute façon, ce film-là, l'acheter en Blu-ray, ça n'a aucun intérêt, de toute façon. Il y en a qui vont claquer des 30 ou des 35 euros pour un Blu-ray, pour un film de merde pareil. Moi, je suis limite à la boycotter, parce que je trouve ça vraiment nul, quoi. Et puis, je vais te laisser la parole pour passer du côté animation, si tu veux bien. Ah, l'animation, c'est mieux réussi. Ouais. Et encore, là, est-ce qu'on commence par Superman Redson ou Justice League? Je vais commencer par Superman Redson, parce que comme il est plus vieux dans mon esprit, c'est celui que j'ai moins bien le souvenir. Donc, il est sorti en 2020. Voilà, donc Superman, qu'est-ce que ça ferait si Superman était tombé du... Enfin, j'ai pas envie de dire mauvais côté de la planète, parce que là, c'est une question de point de vue. Mais voilà, Superman, s'il était atterri en Russie plutôt qu'aux États-Unis, qu'est-ce que ça aurait donné? Voilà, c'est le plot du film. Pendant la guerre froide, il me semble, en plus. En tout cas, il devient une belle arme de la guerre froide. Ouais. Donc, c'est le début, ouais. On peut peut-être étaler un petit peu l'histoire, parce que... Bah, ce qui se passe, c'est qu'il défend un peu le marteau de la faucille, hein, là-dedans. Les valeurs du communisme. Ah, il défend les valeurs du communisme parce qu'il a été élevé dedans. Ouais. Et il a aussi des valeurs personnelles, mais qui se rapprochent fort, on va dire, des valeurs du communisme brut. C'est un Superman qui est un petit peu extrémiste, un défaut. Bah, extrémiste, non, en fait. Moi, je trouve que c'est un Superman qui est bien exploité, parce que, voilà, ça nous donne une vision du communisme qui est un peu plus, neutre. Qui est moins la version qu'on nous a imposée pendant la guerre froide. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'hésite pas quand même à... Moi, j'ai souvenir de passage où il utilise la Vision X pour cramer quelques tanks, quoi, tu vois. Il est en guerre, hein. Ouais, mais bon, c'est pour ça que je te dis que Superman, en principe, il détruit des trucs, mais il y a quand même des morts. Il y a quand même des morts, mais voilà. Il est pas censé tuer, quoi. Enfin, je sais pas, parce que, voilà. Normalement, il est pas censé tuer parce qu'il a la formation de Jor-El aussi. Tandis que là, il a pas eu la formation de Jor-El. C'est-à-dire il a vraiment eu que l'embrigadement de sa mère patrie. Ce qui fait un peu la différence entre l'éducation de la famille Kent, qui est plus une famille de... d'agriculteurs, donc des gens pacifiques qui sont dans le milieu. Quoi. Là, il est dans une famille d'agriculteurs aussi, mais des agriculteurs russes, c'est-à-dire que voilà, c'est quand même l'équivalent de l'ANA qui lui dit, parce que c'est pas l'ANA, c'est autre chose, c'est russe, qui lui dit, t'as des pouvoirs, faut le mettre au service de la patrie, sinon il voulait pas au début. Ouais, c'est ça. Après, il fait face à Luthor, qui devient un petit peu le héros de l'Amérique, quelque part, finalement. Ouais, et pourtant, Luthor, lui, il arrive à rester détestable à souhait. Alors que, il est pas sympathique. Superman, on a du mal à le détester quand on arrive à... Parce qu'il explique bien la vision qu'il a. Ouais. Bon, il tue quand même Staline à un moment, c'est ça, que tu dis, il n'hésite pas à cramer des gens. Et je veux dire, il a une vision où bah, il fait quand même prospérer son pays. Les gens meurent à 100 et quelques années, la médecine est bien exploitée, les ressources sont bien gérées. Voilà, ça te permet d'avoir une vision un peu plus... j'ai du mal avec le communisme. À une version un peu plus stable du communisme que la version extrême, parce qu'il arrête quand même les goulags. Ouais. Quand il se rend compte qu'il y a des goulags, c'est, ah ouais, là, ça, c'est là où il pète un très plomb. Très belle scène, ça. Ouais. Là, il pète un plomb, il se dit, non, c'est pas ce que je... C'est là où il retrouve l'ANA qui meurt dans ses bras, c'est qui meurt dans ses bras, et c'est là où il y a Batman aussi qui... Bah, Batman, il est complètement psychotique là-dedans. Hein. Bah ouais, mais là, Batman, c'est le gosse du goulag. Donc c'est pour ça qu'il se dit, personne devrait avoir autant de pouvoir. Il ressemble un peu, dans ce cas, au Batman de BVS. De Miller, quoi. Ouais. Avec l'espèce de chapeau qu'il y a, tu sais, ça fait un peu bizarre de le voir avec un gros chapeau russe, Batman. Tu sais. Mais c'est vrai que c'est le Batman psychotique et revanchard, quoi. Ah oui. Là, il s'est pas tué, hein, il s'en fout, là. Ouais, puis il est là pour botter du cul, Batman. Ouais, c'est ça. Il est pas là pour négocier. Mais il arrive quand même à faire réfléchir à Diana, quoi. Ah ouais, c'est parce qu'il y a Diana aussi à un moment dans le film. Ouais, de mon avis général, moi je trouve que c'était un bon film. C'était un bon film. Ouais. Après, ce que je suis content, c'est qu'ils sont pas tombés dans la caricature de l'apologie du capitalisme ou du communisme, c'est qu'ils ont vraiment posé les deux, j'allais dire religion, enfin, qu'ils ont déposé les deux dogmes. Ouais. Et qu'ils prennent. Les idéologies. Ils prennent un peu les idéologies, ils prennent parti quand même pour le côté Luthor. Mais ils arrivent quand même à poser les choses et à se dire, voilà, qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que Superman serait toujours quelqu'un de bien s'il était communiste? Et la réponse est, vous avez qu'à le regarder, vous verrez bien. Ouais, faut lire aussi le comics, hein, il est pas trop mal, le comics de, je crois que c'est Mark Millar qui est à l'origine de ce scénario. Mark Millar qui fait beaucoup de What If des fois. C'est lui qui était responsable de Civil War dans Marvel. Pour en revenir à ça, moi j'ai trouvé que c'était pas mal, que ça donnait une autre vision de Superman. Je pense qu'il faudrait aussi plus de What If. Tu sais. Alors on va reparler dans la version d'après. Mais ouais, toi t'es pas trop, trop pour, mais. Ça dépend comment ils sont réalisés. Ouais. Parce que moi, j'avais le souvenir d'un comics Superman où, justement, Krypton n'avait pas disparu. Donc, il a grandi sur Krypton et il était resté le fils de Jor-El et de Lara. Et justement, il était pris dans une espèce d'imbroglio politique, tu sais. Comme il n'avait pas de pouvoir, ben, il pouvait pas non plus montrer sa supériorité, quoi. Et en fait, dans ce comics, ça s'avérait que c'était une espèce de transe. Qu'on l'avait plongé dans une transe, mais qu'il était bien, et qu'on retrouve Superman, le Superman qu'on connaît à la fin, quoi. Ça, c'est un prétexte pour pas faire gueuler les fans. Hein. Mais je pense que c'était un point de vue intéressant, tu vois, de nous remontrer Krypton. Bon, il y a eu la série, là, mais moi, je trouve pas ça terrible, et puis bon, il l'a arrêté parce qu'elle était assez médiocre. Je pense qu'ils ont pas assez exploité le côté un peu kryptonien, la partie Krypton, tu sais, de Superman, d'en montrer encore un petit peu plus dans les films ou dans les films d'animation. Ouais, bah là ça s'y prêtait pas. Hein. Ouais, c'est sûr. Là dans Red Son, le scénario se prêtait pas à montrer l'aspect. Non, c'est clair. Et puis, bon, je vais faire un petit spoiler en passant, mais ça c'est le côté comics. C'est que, le comics fait une boucle. C'est-à-dire que, on a le descendant de Jor-El, donc de Kal-El. Ce sont Lex Luthor et Lois Lane dans le comics. Et il apparaît que Krypton est en fait la Terre, mais il y a des millions d'années plus tard. Et donc, Kal-El renvoie son fils dans l'espace. En fait, c'est un voyage dans le temps. C'est pas, il l'envoie pas dans le... Enfin, on sait bien que de toute façon, le temps est relatif dans l'univers. Donc, c'est un petit peu logique quelque part que là, on arrive d'un point A ou d'un point B. C'est plus la même temporalité, quoi. C'est un peu normal. C'est ce qui arrive dans le comics d'origine, quoi, de Superman Return. Très bonne histoire, très bon film. Une adaptation plutôt fidèle au bonne comics. Animation. Ouais. Il y a quelques trous dans le scénar, mais ça reste de l'animation. Et moi, je le conseille. Red Son, je le conseille. Bon, passer au deuxième, si tu veux. Justice League Dark, moi, je l'ai pas vu. Alors, Justice League Dark, Apocalypse War. Parce qu'il y a Justice League Dark, juste avant. Et là, on passe sur Justice League Dark, Apocalypse. Et là, c'est là où tu dis, ouais, faudrait plus de What If. Et là, du coup, sur ce scénario-là, je suis pas d'accord. Ouais, mais explique-toi. Bah là, Justice League Dark, c'est juste après les événements du Flashpoint. Et les éléments où ils se disent on va aller sur Apocalypse casser la gueule à Darkseid parce que sinon il va envahir la Terre quoi. Et puis ça ouais. se passe très mal et ils se font tous péter la gueule, tous, hein, tous sans exception. Et attention, c'est particulièrement gore. Hein. Et c'est particulièrement gore et puis ouais, et puis c'est pessimiste et puis là la fin m'a pas plu du tout. Puis c'est là c'est un what if qui m'a pas plu du tout quoi. Ouais, est-ce que tu peux développer l'histoire, ce qui arrive Bah c'est voilà, ils vont casser la gueule à Apocalypse et 2 ans après Superman non, Darkseid, tu veux dire Darkseid. Ils vont voir Darkseid. Ouais, ils vont voir Darkseid, ouais, ouais. Enfin, c'est sur Apocalypse. Et 2 ans après, tu vois un Superman malade de kryptonite ouais. qui va chercher John Constantine pour... on sait pas pourquoi au début, puis qui dit on a un plan de secours parce que ça s'est mal passé il y a 2 ans, on a perdu tout le monde, et en effet, ils ont perdu tout le monde. Et là, c'est la suprématie d'Apocalypse qui arrive même à détruire Roi ou des trucs comme ça. Quoi. D'accord. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu fait un petit peu dans la mode d'Avengers Infinity War avec tous ces héros qui disparaissent à la fin et Non, parce que là, c'est vraiment des scènes de... voilà, ils écartèlent des héros et puis gratuit, pour quoi. Te le montrer. J'ai eu l'impression de regarder c'est de la violence gratuite un truc de violence gratuite ouais. et puis bien violent. On veut du gore, on veut du sang. Ouais, parce que moi, je peux me souvenir qu'il y avoir quelques scènes où les mecs se sont découpés en deux ou, voilà, ou écrasés. Ou... Déjà, rien que ça me gêne parce que pour moi, là, déjà, on sort complètement de l'esprit du DCU. À la rigueur, ça aurait été bien d'avoir un univers zombie aussi. Enfin, ça existe dans le... Ça existe dans le... On en a parlé d'ailleurs dans notre rétrospective sur Batman. Ouais, mais non, mais l'univers zombie, c'est le Blackest Night, hein, c'est tout. Hein. Non, c'est un autre truc. Blackest Night, Brightest Day, ils sont tous ressuscités en mode zombie par l'énergie noire des anneaux. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ça existe déjà. Il y a ça, mais il y avait aussi... Je suis pas pressé de le voir non plus. Hein. Il y avait un comics il n'y a pas très longtemps où c'était, ça ressemblait un petit peu à Marvel Zombies. Quoi. C'est-à-dire que sur la Terre, ils étaient tous transformés par une espèce de virus. Quoi. Ouais, pas quelque chose qui m'intéresse non plus. Ouais. Toi, t'es pas très horreur. Hein. Bah déjà, je suis pas horreur du tout. Après, moi, pour voir des scènes gore, je suis pas fan non plus. Ce qu'il y avait dans Red Son, il n'y avait pas de scènes gore, alors non. que les scènes étaient bien. Et là, je vois bien que c'est marqué Dark dans le titre, mais c'est pas une raison pour nous montrer des scènes gore. Bah, il n'y a pas de scènes gore dans puis le là, premier. Puis là, c'est centré fort sur Constantine. Et voilà, c'est bon, on te montre enfin, le mec qui est détruit mentalement, alcoolique, machin, et puis qui va se retrouver, en accomplissant une mission qui va s'accomplir lui-même. Ouais, puis dans le truc, Constantine, la façon dont il était représenté, t'es limite à l'identifier à Doctor Strange quand il fait cette espèce de bout de. D'incantation, tu sais, avec les... Ouais, mais ça, on est habitué de Constantine, parce que ouais. dans Justice League Dark, c'était déjà le cas. Ouais. Bon, après, il est un peu plus cérébral, Constantine. Ça change un peu des bourrins qui se font massacrer juste avant, mais... Mais c'est tout, ça sauve pas le film. Puis t'as le revirement de Batman aussi dans ce film-là. Ouais, Batman qui est méchant, on croit avec qu'il est gentil, Damien, mais non, il est vraiment méchant. Et puis, ouais, puis le contrôle mental de Darkseid, je crois qu'il fait une mise à jour, parce que tout le monde arrive à s'en débarrasser. Ouais, ça a l'air facile apparemment. Ah ouais, c'est très facile, ouais. Un court-circuit, un coup de magie. Putain, j'ai l'impression d'être dans... dans Faux Raccord. Et puis, paf, tout le monde y revient à zéro et redeviennent gentils comme par hasard. C'est ouais. trop facile. Est-ce que t'as des scènes qui t'ont retenu Ouais, moi c'est la scène avec Trigone. Parce qu'à un moment, il faut pas libérer Trigone, sinon il va détruire la Terre. J'ai envie, bah ça va, vous avez plus que 10% de la population, vous êtes plus à ça près, enfin, je veux dire. Autant qu'il pète la Terre, au moins Darkseid aura pas son plan, enfin bon, ça se discute. Et puis à un moment, il y a une scène de Constantine libère Trigone, parce que c'est ça, hein, le MacGuffin du film, c'est ça. Et du coup, il y a Trigone qui se bat à armes égales avec Darkseid. Non, Trigone, c'est une entité, vous avez même pas idée, quoi. C'est un peu le Galactus au niveau de la puissance, donc il prendrait Darkseid, il le met dans le creux de sa main, il appuie, il n'a plus, quoi. Ouais. Et imaginez là, non, ils arrivent peu... à se battre d'égal à égal. Imaginez un petit peu Galactus contre Thanos, quoi. Bah, c'est un peu ce qu'imaginez, Hulk qui arrive à tenir tête à Galactus. Enfin, pour moi, ça fait la même chose. Ouais, le mec, il n'y a pas de chance, quoi. Il a pas une chance, quoi. Ah, et puis voilà, Trigone, c'est censé être le démon qui vit que pour être un démon, quoi. C'est un démon, enfin. Mais j'avais quand même l'impression que les mecs, ils s'y connaissaient dans le DC-verse. Ils connaissaient les rapports de force, les échelles de puissance. Ils ont complètement nerfé Trigone, et bah, c'est des trucs que j'aime pas trop, parce que, voilà, normalement, Trigone, c'est censé être une menace beaucoup plus importante que celle que Darkseid, quoi. Mais bon. C'est un peu comme dans les Avengers, je trouve que c'est le problème du personnage de Thor, par exemple, qui pour moi il est beaucoup plus puissant. C'est lui le plus fort des Avengers. En fait, dans Avengers, Thor est méga puissant, et dans les films Thor, il est pas puissant. Ou alors Hulk qui se fait marave par Thanos en 2 coups. Ouais. Alors que normalement, si tu calcules bien, il était encore plus fort que Thor, juste avant, quoi. Ouais. T'as des trucs qui tiennent pas. Bah, il y a des trucs qui tiennent pas dans le MCU. Hein. Et là, dans le DCU, dans le dessin animé, ce qu'ils ont fait, c'est ça. Mais je pense qu'ils voulaient pas faire un Deus Ex Machina à la fin. C'est pour ça qu'ils l'ont fait combattre à force égale. Mais après, il y a beaucoup de facilités, comme Swamp Thing qui détruit la seule tour qui est pas gardée, comme par hasard. Enfin, tous des trucs comme ça, et c'est... Voilà, puis la fin aussi qui m'a dit, allez, c'est bon, on a fait un film pour rien. Ça fait ça, si on a fait un truc pour rien. C'est vraiment parce qu'il fallait balancer un truc. Ils ont un quota de films par an, peut-être. Syndrome Superman 4, ils te font un CTRL Z à la fin. Ouais, un peu comme Flashpoint au final. Bah, ils te refont un Flashpoint à la fin. Ouais. Hein. C'est un live avec la Justice League. L'autre Justice League, pas la bonne, quoi. Ouais, non, c'est pas. Enfin, moi, je sais même pas si je le conseille ou pas. Enfin, moi, à mon niveau, il m'a pas plu. Ouais, par rapport au premier, t'as préféré quand même le premier. J'ai clairement préféré le premier. Alors le premier, on va rappeler un peu l'histoire, c'est que Batman fait appel à la Justice League Dark, qui est composée de Constantine, Zatanna et Swamp Thing. Ouais, parce qu'il y a Trigon, justement, qui vient un peu foutre la merde aussi. Ouais. Mais là, tu vois un Trigon, vraiment, tu sens que ça va très mal se passer s'il est à 100%, quoi. D'accord. Et là, l'histoire est beaucoup plus intéressante parce qu'on explore justement le côté un peu plus mystique de DC, quoi. Non, puis l'histoire est beaucoup plus intéressante parce que les personnages ont certes des faiblesses qui sont montrées, comme quand Flash se fait exploser le genou par Superman parce que bah il y a que comme par la douleur que Trigon dégage. Et tu vois, c'est mieux exploité et c'est moins gore. Ouais, on te met pas des boyaux juste pour te montrer des boyaux, quoi. C'est ça. Ça fait déjà deux films qu'on conseille pas. Non, Red Son pouvait y aller. Hein. Oui, Red Son, ça doit être. Et puis, tant que j'y suis, je vais faire un troisième film que je conseille pas du tout. Alors, celui-là aussi, il a été reporté maintes fois et maintes fois. Il est finalement sorti fin août. C'est Les Nouveaux Mutants, de New Mutants. C'est un spin-off de X-Men, créé par Chris Claremont. Claremont, qui a fait beaucoup d'histoires très dominantes dans l'univers X-Men, notamment Days of Future Past. Je sais pas si tu te souviens de Days of Future Past, qui a donné un film. Et puis, voilà, donc l'histoire, c'est l'histoire de 5 jeunes personnes qui sont intégrées dans une espèce de je sais pas si on peut dire asile ou une espèce de maison de... Bah alors en fait dans le... Mais pas de correction, mais comment je pourrais dire? Non, dans le synopsis, c'est ça. Ils ont des problèmes, c'est des jeunes à problèmes, pas forcément des délinquants. C'est ça. Et puis ils sont mis en maison de repos pour gérer leurs problèmes. C'est juste que tu sais pas ce que c'est la maison de repos dans le synopsis du film. Tout à fait. C'est pas maison de repos que j'aurais dit, mais je pense que c'est plus, tu sais, une maison de reconstruction psychologique, tu sais. Ils ont, comme tu dis, ils ont des trucs à problème. Mais on apprend que c'est pas seulement psychologique, c'est que ils ont aussi des pouvoirs qu'ils maîtrisent pas. Un peu comme les X-Men, quoi, finalement. Bah, comme tous les ados, comme tous les ados dans X-Men, quand ils découvrent leurs pouvoirs, ils ont pas de maîtrise. Ils ont la puberté qui arrive, donc ils ont des nouveaux pouvoirs qu'ils savent pas maîtriser. Ils se posent beaucoup de questions. Ils en utilisent certains à mauvais escient parce que il y a eu des morts par rapport à l'exploitation de pouvoirs qui étaient involontaires, tu sais. Et donc on a ces 5 jeunes gens qui sont bientôt pris face à des démons qui sont plus intérieurs que vraiment concret, tu sais. Ouais, je vois. Donc c'est encore une des manifestations, je dirais, surnaturelles. Ça, c'est le côté, je vais dire, positif du film. Le côté négatif, c'est que quand je regardais ce film, il fait même pas 1h30. Donc on voit que c'est charcuté, qu'il manque plein de scènes, qu'il y a plein de raccourcis dans le scénario. Puis de mémoire, ce film a été cuté pas mal de fois. C'est-à-dire qu'il y a une première version, qu'ils ont refait une deuxième version et que ça a pas plu, ils ont refait une troisième version et qu'ils l'ont sorti comme ça. Le studio Fox a complètement bousillé le montage, quoi, d'origine. Ouais, c'est quoi. Ça. D'après ce que j'ai pu en lire, il y a plus grand rapport avec ce qui devait sortir à l'origine. Non, c'est sûr. C'est un peu comme Fantastic Four, tu sais, la version de 2015, où il y a pas mal de scènes qui ont été supprimées. Mais pour New Mutants, le problème, c'est que on a affaire à un mélange qui mélange un peu ces films des années 80, tu sais, encore une fois, la musique. La mode, c'est la mode. Ouais, Things, tous les trucs comme ça. Ouais, ouais, Breakfast Club, je sais pas si tu connais ce film-là. Non, par exemple. Ça me parle pas. Non, de John Hughes, un grand film sur la jeunesse des années 80. Il y a aussi le côté horrifique des Freddy 3, Les Griffes du Cauchemar, par exemple, où t'as cette manifestation surnaturelle, t'as des créatures qui sortent des murs et tout. Enfin, quoi que j'ai pas remarqué s'il y avait la scène, tu sais, avec les visages qui sortent du mur, là. Ah, je peux pas te dire, je l'ai pas vu. Non, mais je vois quelle scène tu parles. On l'a vu dans le trailer. On l'avait vu. J'ai l'impression même qu'il y a beaucoup de scènes dans le trailer qu'il y a pas dans le film, mais bon. C'est pas passionnant. J'avais même 1 heure après, j'avais dû oublier quasiment toute la partie parce que ça a pas été passionnant. Il y a une espèce d'affrontement avec une espèce d'ours un petit peu mystique qu'on voit un peu dans le trailer. Et là c'est le festival d'effets spéciaux, hein. T'as des lumières partout, ils sont à 5 à lutter contre une espèce de d'ours mystique qui est publié dans le comics, ce qui s'appelle l'ours démon. Mais moi je m'attendais à quelque chose de plus épique, et puis tout ça c'est ramassé. On est dans les clichés, c'est pas Bird of Prey non plus, hein. Mais t'as pas l'impression de regarder un film qui est très original. original, quoi, tu vois. C'est que c'est du déjà vu, mais du déjà vu, tu l'as déjà vu mieux autre part, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. T'as l'impression qu'on te sert un peu de réchauffer. Quoi. Ouais, c'est de la soupe réchauffée, exactement, quoi. C'est ça le problème. Donc, c'est un peu mal parti pour les nouveaux mutants, parce que normalement, ils devaient un peu succéder à l'équipe de Xavier dans cette histoire, là. Du fait que c'est à huis clos, de toute façon, c'est à huis clos, donc comme ils sortent jamais, après, les jeux, c'est un peu limité. Les huis clos, c'est compliqué. Hein. Tu peux regarder Cloverfield Lane, ça a été compliqué. Oui. Tout ce qui est huis clos, en général, ça attire pas trop son public. Ça dépend. Il y a certains réalisateurs qui y arrivent, mais il y en a d'autres qui n'y arrivent pas, et là, c'est le cas. Là, il y a plein de problèmes, hein, de toute façon, dans ce film. Puis, je veux dire, si on avait une version longue de ce film, peut-être que ça rehausserait un petit peu le niveau, mais il faudrait que la Fox fasse des efforts. Mais là, ils l'ont vraiment sorti à l'arrache, quoi. Ça se voit, quoi. Ils l'avaient à leur catalogue, allez hop, on le balance, quoi, tu vois. À la rigueur, il serait sorti en VOD. On revient au VOD. ça aurait mieux passé, quoi, tu vois. C'était plus un film qui était destiné au circuit vidéo qu'au cinéma, parce que il n'y a pas de quoi. Le format du cinéma ne se prête pas non plus au format huis clos. Enfin, ça dépend quoi, mais c'est une espèce de baraque, hein, très sombre, où il y a plein de couloirs, tu vois. Enfin, tu vois le genre, quoi. Puis comme je dis, moi, j'ai, tout le long du film, j'ai quand même pensé à Freddy Krueger. C'est triste. Enfin, ouais, la limite du c'est plagiat, un petit peu c'est un petit peu dérangeant pour le film que tu penses tout le temps à un autre film, tu vois. Ouais, la différence entre le plagiat et la référence, ouais, quoi. C'est ça, là, ouais, t'as constamment la référence en tête, quoi. C'est ça le problème. Voilà, comme moi, je le conseille pas, hein. Franchement, c'est pas divertissant, c'est pas terrible. Bon, les acteurs sont moyens, moi je trouve qu'ils sont pas, il y en a qui sont pas très bons, ils sont pas connus, mais bon, ça, on peut avoir des acteurs qui sont pas connus et qui s'en sortent très bien, mais là, c'est il y a peut-être une ou deux qui s'en sortent honorablement, mais dans l'ensemble, il y a les qualités, ils prévalent sur les défauts prévalent sur les qualités, quoi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. T'as plus rien dit d'autre à critiquer, d'un truc, quelque bah, chose. Faut dire, il y a pas grand chose d'autre qui est sorti. Non, c'est sûr que la VOD. Il y a eu Bloodshot, mais moi je l'ai pas regardé. Parce que ça a l'air franchement mauvais, mais bon. Alors, j'espère qu'il conduit des voitures. Alors Bloodshot, c'est encore adapté d'une bande dessinée d'un label indépendant. Ouais, c'est Vaillant, c'est ça. Tout à fait. Ils avaient l'occasion de faire quelque chose d'assez hard, parce que la bande annonce promettait quelques effets un petit peu gore. Les BD Vaillant sont très très bien, hein. Ouais. Tu regardes les X-O Manowar ou les Bloodshot, ouais. Sont vraiment bien. Enfin, ça dépend, c'est des BD. C'est des BD plus pour adultes, apparemment. Ah, c'est pas du comics, hein. Si c'est du comics, mais les thèmes et les sujets abordés, ouais, sont beaucoup plus adultes, ouais, que les. Enfin, j'ai envie de dire les vrais comics. C'est un vrai comics quand même, quoi. J'ai l'impression que là, bon, ça a été fait pour la gloire de Vin Diesel, et puis du coup, ça a été du correct. Après, encore une fois, en salle, ça aurait fait un blockbuster en plus à aller voir juste pour aller te vider ta cervelle. Par contre, le fait qu'ils peuvent pas sortir en salle, ouais, donc forcément. Ouais. Enfin, celui-là, ça va, parce que apparemment, t'avais pas besoin de mettre 10 ou 30 euros pour le voir, quoi. Ouais. T'étais directement sur le chaîne. Je sais même plus sur quelle plateforme il est sorti, mais je crois qu'il était inclus dans le catalogue de la plateforme. Sur Amazon, quelque chose comme ça. Je serais pas de dire. Malheureusement, j'ai pas de. Il y en a tellement de trucs. Amazon, je suis pas inscrit. Ouais. Bah, une petite question là pour finir. Là. Tu trouves pas qu'il commence à avoir beaucoup de plateformes, là? Ça commence à faire de trop, là. Oh là là, bah t'as Hulu, t'as Disney+, ouais, t'as Amazon, t'as Netflix. On a cité les plus gros. Et après, t'as des plateformes un peu plus discrètes, ouais, comme OCS par exemple. Ouais, OCS, plus, ouais. J'ai pas envie de dire discrètes, mais on va dire qui fonctionnent moins bien parce que leur catalogue est naze. Ouais. Et après, t'as d'autres plateformes encore que non, certainement, non, je pense pas. Et les plateformes américaines, quoi, qu'il n'y a pas de. Bah ouais, puis le problème des plateformes, c'est qu'en général, elles comptent sur une, deux, peut-être trois licences pour faire tout leur catalogue. Là, si tu prends Disney+, s'il n'y avait pas The Mandalorian, moi, je vous conseille carrément pas de prendre Disney+, hein. Bah, de toute façon, moi, j'ai entendu quand même que. Ces derniers temps, il y avait quand même des gens qui se désabonnaient parce que. Bah, ils trouvaient que le catalogue n'était pas si fourni. Puis on les a déjà tous, les Disney, hein. Puis il y a quoi, on voit la pub en ce moment, hein. Je pense que les gens, ils sont tellement en train de se barrer qu'ils relancent la publicité, tu sais. Et donc il y a le catalogue Disney avec tous les films d'animation, les classiques. Ouais. Il y a la licence de Star Wars. Ouais. Et Star Wars, ça tourne en rond, quoi. Il y a les Marvel aussi. Il y a le MCU, ouais. Ouais. Il y a National Geographic, je crois qu'ils ont racheté aussi. National Geographic. Et puis après, il y a Mandalorian. C'est dans Star Wars. Star Wars. Hein. Ouais. Et puis, ils ont les catalogues de la Fox et tout ça, là. Du coup, que. Ah, ils ont racheté la Fox. Mais apparemment, il y a des problèmes parce qu'ils vont pas pouvoir diffuser les Predators et l'Alien. C'est beaucoup trop violent pour la chaîne. Et il paraît, j'ai entendu même dire qu'ils censuraient. certains de leurs vieux films. Splash, ça a été censuré. Ouais. Voilà, par exemple, alors, c'est le fameux cas Splash. Ouais, donc le cas Splash, tout à fait. En plus, Splash, ça correspond bien. Alors, ce qui s'est passé avec le cas Splash, c'est qu'apparemment, Daryl Hannah, qui est l'actrice principale, elle apparaissait nue de dos, apparemment, ouais, d'après ce que je vois. Puis la mer. Et puis hop, c'est censuré. La scène est coupée, ou apparemment, ils ont fait un... C'est flouté. C'est flouté, carrément. Donc, voilà quoi, ce qui va arriver dans l'avenir, si on n'y prend pas garde, c'est de la censure, hein. J'ai envie de dire du poétiquement correct à outrance, quoi. Bah, ouais, c'est ça, encore une fois, c'est parce que c'est une plateforme américaine. Netflix censure moins parce qu'ils mettent des PEGI 16, PEGI 18, ouais. PEGI 12. Ouais, mais ils censurent pas. Ils censurent moins. J'ai pas dit ils censurent pas, j'ai dit censurent moins. Ouais. Par contre, Disney, comme ça se veut ultra familial, là, ils censurent plus. Après, Hulu, je connais moins bien. Amazon, Hulu, j'ai pas l'impression que ça diffuse en France, hein. Aussi, non. Hulu, il faut un VPN, sinon tu peux pas le regarder. Eux aussi, leur trailer, il faut que tu passes par un autre truc sur YouTube. Il faut que tu te mettes sur un serveur américain. Ils sont encore une fois coupés, quoi. Enfin, je veux dire, délimités en zone. Après, t'as CBS aussi qui fait sa propre plateforme. Ouais. T'as la BBC aussi qui commence à faire sa propre plateforme. Aussi, ouais. Si on veut être inscrit à toutes les plateformes, ça commence à revenir un peu cher. Bah, ça commence. Je pense que tu peux y laisser ton salaire carrément. Ouais. Donc il y a une multiplication des plateformes parce que le business. Moi, le business model est bon. Hein. Moi, si je paye un abonnement et je peux avoir accès à plein d'œuvres, bah, c'est le cas avec Netflix. Faudrait un forfait général. Tu vois, c'est le coût de la licence globale, ce qu'ils voulaient faire avant, mais que... Parce bon, que leur truc là, de faire payer à chaque fois 30 balles, quoi, on va dire, ça n'a qu'un temps. Ça marche à qu'un temps, cette affaire. Ouais. Il y a des plateformes qui vont passer l'une au-dessus de l'autre, c'est obligé. Ah, forcément. Puis il y en a qui ont plus de pouvoir que d'autres ouais, aussi. Ouais, il y a plus de licences. Si tu prends Netflix, ils ont un pouvoir écrasant. Ouais, ils ont été quand même innovateurs, et puis dans les premiers, quoi. Puis même dans les séries originales Netflix, sont plus intéressantes. Ouais. Si tu prends un catalogue. Ouais, si tu as les Black Mirror, il me semble que c'est sur Netflix, c'est très captivant. Mmh. Si tu prends les mangas, Gletsuko, Escort Girl, tous les trucs comme ça sont très captivants. Ouais. Et forcément, après, bah. Ouais, toi, t'es grand consommateur de Netflix. Après, voilà, ça, c'est l'inconvénient de Netflix, c'est que comme j'aime bien les mangas, ils me proposent pas grand chose d'autre. Donc, je dois chercher par moi-même. Est-ce que, dans tes connaissances, ouais, est-ce qu'ils proposent des forfaits internet avec des forfaits Netflix, par exemple? Bien sûr, t'es Free qui fait ça. Free et ça te revient au même prix que si tu prends le forfait de brut avec le forfait de Netflix après, là, derrière. Donc, c'est vaut cumulé. Mieux prendre à part. Donc, c'est cumulé, c'est en fait. C'est cumulé. C'est pas une offre globale, quoi. Ouais, tu vas gagner peut-être quoi, 2-3 euros et encore. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Non. Puis encore, il faudrait des plateformes qui vous des FAI, des fournisseurs d'accès à Internet, qui proposent des formules, on va dire, où tu serais abonné, je dis une connerie, Amazon, Netflix, je sais plus encore quelle plateforme, OCS, machin. Mais à ton abonnement, tu paierais 100 euros par mois, ça vaut pas le coup. 100 euros pour la télé et puis l'Internet, ça fait un peu cher quand même. Voilà. Hein. Faut avouer qu'on n'est pas Crésus, quoi. Après, oubliez pas que tous les Français qui ont une télé payent 12 euros par mois pour regarder juste la télé. On appelle ça ouais, la taxe audiovisuelle. Ouais, on appelle ça le racket étatique pour moi, mais bon. Ah, tu vois, et, bah, moi, ce que je peux reprocher, on va dire, au système, c'est que moi, je préfère mettre 12 euros dans un Netflix où je peux regarder ce que je veux, ce qui me plaît, où j'ai le choix, plutôt que de regarder la télé. Ouais, mais reparlons un petit peu de cette redevance là, qui me sort pas étonné, parce que on a dérapé, là. Quand j'entends ce mot, moi, ça me... Ça m'agace au plus haut point, parce que la redevance avant c'était pour payer tous les services audiovisuels. Alors ça inclut la télé, les radios, ceci, cela, pour les subventions. On est d'accord? Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et ce qui se passe, c'est que maintenant la redevance, y a plus tellement de jeunes qui regardent la télé maintenant. Hein, Non, là les plateformes c'est YouTube. Ouais. Là on va être très médisant. C'est YouTube, Netflix, Amazon. Ouais. C'est un fichier. Mais disons, non, mais réaliste. Plutôt réaliste. C'est zone téléchargement. Ouais. Ah, je suis désolé, voilà, Extreme download. Je veux dire, si j'étais étudiant, entre m'acheter 12 euros de nourriture ou 12 euros un abonnement pour regarder quelque chose, je prends la nourriture et je pirate le reste. Ça, c'est le gros problème, c'est que... Voilà. La culture est chère. C'est très cher. Ça devient trop cher ici, en France. Donc, la culture, mais mondiale. Parce qu'après, ouais. Il te faut ton Spotify, il te faut ton Deezer, il te faut ton Netflix, il te faut ton Amazon. Ouais. Ça commence à vite faire cher. Donc le problème, c'est que plus c'est cher, plus tu trouves des moyens. En plus, on va dire ce qu'il faut, hein, c'est qu'en France, c'est assez facile de contourner. Oui. Donc forcément, moi, je peux comprendre que les gens contournent. Mais après, avec un abonnement Netflix, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je contournais beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire, je m'intéresse à d'autres supports. Ce qui se passait avec la redevance avant, c'est que tu l'as payé à partir du moment où tu étais détenteur d'un téléviseur. T'es d'accord avec moi? C'est toujours le cas. Mais tu regardais le programme. Moi, je ne vois pas pourquoi tu repayes une redevance. Alors, si tu ne regardes plus les programmes, et si effectivement le mec vient, je sais pas, l'huissier ou le contrôleur fiscal, il vient constater que tu n'es plus connecté et que t'as juste ton écran pour regarder tes DVD, tes machins. Je vois pas pourquoi tu paierais déjà. Et puis en plus, apparemment, cette redevance, elle s'est étalée aussi au lecteur DVD et au lecteur Blu-ray. Pas encore. Si. Un lecteur DVD, tu payes la redevance. Non, parce que quand j'ai acheté mon lecteur DVD ou Blu-ray... Ils le déclarent, quand tu veux... Ils m'ont pas demandé mon nom, mon prénom. C'est-à-dire, je l'ai acheté en magasin, je l'ai bipé, j'ai mis un ticket de caisse, je suis parti. Ils m'ont pas demandé mon prénom. Ouais, mais ça dans la loi, ça apparaît, ça, dans l'article de loi. Après, moi, je le dis quand même, hein. Quand j'ai acheté ma télé... Attention, parce que tu t'es dénoncé, là. Parce que quand j'ai acheté ma dénoncé, télé... Là, tu t'es dénoncé, là, y a pas de problème, je la paye, la redevance. Quand j'ai acheté ma télé, ils m'ont demandé mon nom, mon prénom. Ils m'ont dit que j'étais sur la liste, donc il n'y a pas de souci. Par contre, moi, ce que je peux leur reprocher, c'est qu'ils demandent... T'achètes une télé, mais ne demandent pas pourquoi faire. Ma télé, il n'y a pas TF1 dessus, il n'y a pas France 2, il n'y a pas France 3, il n'y a pas la 6. Sur ma télé, il y a Netflix, YouTube, mon ordinateur. C'est quand même un problème de... Pour moi, c'est de la limite de la délation. Parce que quand t'achètes un téléviseur... Mais je ne m'en sers pas pour regarder la télé. Non, mais je te donne l'exemple. Je te donne l'exemple, Ted. On est d'accord sur le principe, de toute façon, je pense. Avoir un téléviseur et payer une redevance, pour moi, c'est scandaleux. Mais pour moi, c'est deux choses à part. Pour moi, le téléviseur, une fois que tu l'as acheté, c'est ta possession. T'as pas besoin de payer de taxes parce que tu dois l'utiliser pour justement regarder tes DVD. Ah bah, t'achètes un ordinateur, tu payes déjà une taxe dessus. Hein. Beaucoup de personnes qui achètent des écrans massifs pour leur ordinateur, pour justement mettre leur Blu-ray, leur truc, tu sais. Donc ça passe pas encore. On va parler de la prolongation de la redevance là pendant. Ah, ils en parlent rien que pour les smartphones. C'était un grand débat, mais bon, je vais quand même préciser ma pensée. C'est que soit j'ai eu plusieurs cas où on m'a dit ça s'est vérifié, j'ai eu précisé le truc. Faut que je reprenne. Donc t'as un téléviseur, tu payes la redevance. T'as un lecteur DVD. Sans avoir de téléviseur, tu payes la redevance. Lecteur Blu-ray, DVD, on est d'accord. Donc toi tu me dis le contraire. Mais moi je le sais parce que j'ai vu ça sur les forums et on me l'a dit aussi texto. Et à un moment j'avais une personne de ma connaissance qui voulait plus justement payer la redevance. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a acheté un rétroprojecteur. Et ben le mec, le contrôleur fiscal qui est venu, il dit tant qu'il y a un tuneur dans le tuneur, et ben vous êtes obligé de payer la redevance. Et c'est ça qui fait que tous les appareils qu'ils ont tunés, ils disent bah ouais mais il faut la détunériser à ce moment-là l'écran. Oui mais si on le détunérise, il marche plus. Donc tu vois le piège mortel que le truc vicieux là. Quelque part. Après, tu payes une taxe sur les droits d'auteur quand t'achètes une clé USB, tu payes des taxes sur les droits d'auteur quand t'achètes un écran d'ordinateur, tu payes une taxe sur les droits d'auteur quand t'achètes un clavier. Oui. Donc voilà, t'en payes. C'est juste que le montant est fixe et à l'achat. Ouais, mais c'est moins douloureux que la redevance. C'est moins douloureux, puis c'est fixe et c'est à l'achat. Ouais. Mais tu payes une taxe quand même. Après, voilà, regarde, payer une taxe chose dont tu te sers, il n'y a pas de souci. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ouais, je veux bien payer une taxe si je m'en sers, mais la redevance télé, je la regarde pas. Mais je la paye. Ouais, mais t'es pas d'accord non plus pour financer tous les conneries qu'il y a à la télé. Ouais, mais je peux pas te dire, je la regarde pas. Je regarde même pas les reportages, des trucs comme ça. Je regarde que YouTube, Netflix. Up to box, un fichier. Et je regarde pas les chaînes généralistes, je ne les regarde Extreme pas. Download en passant. On va pas vous donner les liens, vous débrouillez. Je veux bien utiliser un service, je veux bien payer quand j'utilise un service. Voilà, Netflix, je le paye, tant pis, j'utilise le service, je le paye, je suis d'accord. Parce que j'utilise le service. Mais par contre, si j'utilise pas le service, ça me fait chier de payer. Mais après, c'est un impôt, bon, bah, elle n'a pas le choix. T'achètes une télé, tu payes. Ouais, mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. T'es d'accord avec moi que c'est pas normal. C'est pas normal, mais bon, Que c'est pas. C'est du racket, moi, pour moi, limite du racket. Non, c'est la différence entre un politique et un voleur. Hein. Si les politiques, ils arrêtent les voleurs, c'est parce qu'ils ont horreur de la concurrence. Ça, franchement, il va falloir l'encadrer, ce que t'as dit, parce que franchement, là, c'est bien vrai. Et puis, je pense que beaucoup de gens le pensent comme toi, mais bon. Voilà, quoi. Je sais pas si t'avais suivi ce débat, là, à un moment, avec Adopi, toutes ces conneries, là, qui servent à rien, d'ailleurs, à part faire chier le monde. Surtout les pirates. Adobe, mais pour moi, c'est plus d'actualité. Il était question d'un forfait global sur Internet. C'était très longtemps. Ouais, c'est ce qu'on appelait justement la licence globale. Ouais, c'est tu payais ton Internet, alors tu devrais payer très cher, je te l'accorde, mais tu aurais le droit à tout ce qui est culturellement valable. C'est ça. C'est-à-dire que tu pouvais télécharger autant que tu veux, mais tu payais derrière. Télécharger, regarder, streamer. Mais tu payais quand même derrière. Bah, tu payais fort derrière. C'était pas intéressant, ça, comme... Non, c'était pas intéressant. Ah bon ? Entre un majeur qui gagne 100 euros sur une œuvre, je dis une connerie, hein, ou 10 euros, bah, il veut gagner 100 euros. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'un majeur veut gagner 100 euros sur une œuvre plutôt que 10 euros sur 10 œuvres. Ouais, mais c'est pas intéressant de point de vue la majeure, on est d'accord. Mais du point de vue de l'utilisateur, le jeune étudiant, par exemple. C'est pour ça que l'offre illégale est très intéressante pour les étudiants, parce que... La culture, c'est un budget. L'abonnement Netflix, je suis quand même à peu près de 14 euros par mois. C'est un budget. Ouais. Après, si je veux prendre un Amazon, c'est un budget. Si je veux prendre un Spotify, c'est un budget. Un Deezer, c'est un budget. C'est encore un budget. Alors moi, je peux comprendre qu'ils se retournent vers l'offre illégale. Parce que je dis, entre acheter 12 euros d'abonnement à quelque chose ou 12 euros de repas, je pense que pour eux, le choix est vite fait. Et de toute façon, c'est pas un truc spécifique aux étudiants, c'est que les budgets des personnes ménages, mondiales les n'est, ménages, pas, ouais. n'est pas extensible et qu'il arrive un moment, tu dois faire un choix. Ah, tu dois faire un choix, mais bon... Ouais, et puis bon, on parlait de la licence globale, mais moi je voulais enchaîner aussi sur cette connerie de taxation des ordinateurs, quoi. Tu sais, l'extensibilité de la redevance à l'ordinateur, hein, Ted. Mais bon, je trouve c'est encore plus scandaleux, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, à partir du moment où t'as un abonnement internet, ils peuvent te dire que t'as accès à la télé, hein. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Ils pourraient taxer tous ceux qui ont un abonnement internet. Ouais, enfin, ils en parlent aussi, mais est-ce qu'ils vont le faire? Parce qu'apparemment, ça se fait en Allemagne, apparemment. Ah, je serais pas de dire, hein. Tout ce qui est politique mondiale au niveau du web, là, je suis pas au point. Mais il y a eu pendant le débat sur la licence globale cette histoire de taxer les ordinateurs, les disques durs. On a une taxe sur les supports. Ouais. Hein. On a déjà une taxe sur les supports. Déjà, on la paye. Il faudrait la repayer sur la forme de redevance. Ça n'a aucune logique. Après, c'est pas une question de logique. C'est une question de... De rentrée fiscale, tu veux dire. De rentrée fiscale, ouais. Exactement. Donc, ouais, c'est encore une fois un petit peu tiré sur la vache à lait, j'ai envie de dire. Ben voilà. Mais le problème, c'est que la personne qui aurait un ordinateur et qui serait soumise à cette redevance, ce serait tout le monde. Alors, ce serait la personne qui achète un nouvel ordinateur. Donc, c'est-à-dire, ça peut Je peux te dire que le marché de l'occasion va bien se porter. L'étudiant qui ouais, comme tu dis, l'occasion va être primé par rapport au neuf, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, dans le bon coin, risque de marché. Ils y cachent tout ce que tu veux, quoi. Non, on va faire comme dans il y a une paire d'années. Je veux dire, le papy ou le mamie achetait une télé, les parents achetaient la télé qui ne déclaraient pas, les enfants achetaient sur papy et mamie qui ne déclaraient pas. Ouais. Quoi. Puis ça sautait une génération chaque fois. Quand papy et mamie mouraient, bah, c'était sur papy et mamie. Oula, ça sent le vécu, là. Ah, disons que j'en connaissais une bière qui faisait comme ça, hein, et ils payaient pas leur redevance. Ils truandaient, quoi, mais bon, quelque part, ils ont raison, parce que de toute façon, c'est du racket. Alors, comme tu disais tout à l'heure, le politicien, le voleur, hein, mais... La phrase n'avait pas de moi, elle est de Le Bajon. Ah bon, non, mais bon, elle est très juste. Mais voilà, quoi, pour la licence globale, et puis l'histoire de cette taxe qui va certainement revenir sur le tapis, parce que de toute façon, on connaît nos politiciens... À part nous foutre des taxes dans la gueule, c'est tout ce qu'ils savent faire, mais bon, voilà quoi. Et je vais pas partir dans le débat politique, mais... C'est un peu tard, là, c'est fait. Hein. Mais restez vigilants quand même, parce que il va falloir se mobiliser contre cette taxe, parce que ça peut pas continuer, des taxations comme ça, du racket comme ça, le racket sur la culture, en fait. En fait, c'est la culture qui est toujours mise à contribution, quoi, vis-à-vis du contribuable, quoi. La culture, ça devrait pas être payant. C'est vrai. Pour moi, la culture ne devrait pas être payante. Que ce soit la culture brute, c'est-à-dire la philosophie ou des trucs comme ça. De toute façon, à partir du moment où le cinéma, ça s'appelle l'industrie du cinéma, bon, si c'est une industrie, c'est qu'ils sont là pour gagner de l'argent. Voilà, c'est tout. On est d'accord, mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui vivent derrière. Ouais, mais voilà, c'est une industrie. Par contre, on peut parler aussi des cinémas, la pratique de certains cinémas, qui te font payer des places 20 euros pour des trucs, ou bien tu connais aussi, toi, t'es consommateur de pop-corn parce que c'est le moins cher. C'est le moins cher. Si tu te mets à acheter, par exemple, un truc Haribo, je sais pas quoi, on n'est pas sponsorisé, je vous le dis. Ouais, moi, je peux vous le dire, UGC, c'est 6,60. Si vous allez au kiné, vous n'avez pour 9 euros. Et ouais, toi, comme tu as tes enfants, t'es obligé d'acheter plus ou moins des bonbons et tout. Mais cette pratique, un petit peu abusive de dire, tu fais payer 3 fois plus cher, par exemple, une boisson. Gazeuse, tu vas payer 3 fois plus cher qu'en supermarché, par exemple. Tu vois? Ou le bonbon, 3 fois plus cher aussi. Est-ce que c'est pas un peu abusé aussi, cette histoire, là? Bon, c'est festif. Moi, quand je vais au restaurant, je gueule pas sur le restaurateur parce que son steak est à 15 euros alors qu'il habite à Roi au Champ. Ouais. Mais je trouve que tu compares ce qui est pas comparable pour moi. Mais bon. Ah, ben si. Bah, tu parles de manger, voilà, c'est de la bouffe. Ouais, mais il y a quand même la main-d'œuvre derrière. Là, il y a pas de main-d'œuvre. Là, c'est une taxe, il taxe à mort. Bah, qui c'est qui te sert? Ouais, mais c'est pas pareil. Moi, je trouve que on n'est pas dans le même niveau. Je suis pas d'accord, là. Mais non, faut payer tout le marché, c'est tout. Voilà. Ouais, mais faut le payer au juste prix pour moi. Et puis, c'est festif. Le cinéma, c'est festif, ce que je disais tout à l'heure. T'y vas pas par obligation au ciné, t'y vas parce que t'as envie d'y aller. T'as pas la flingue sur la tente, mais bon. Moi, quand je vais au cinéma, c'est pour passer un bon moment. Je vais pas au cinéma pour me dire putain, fais chier. Moi, ce qui me pose problème, c'est que bon, tu peux acheter, d'accord, on achète, bon, c'est cher, c'est mon point de vue. Par contre, que t'as pas le droit d'emmener tes trucs, ou bien que t'es obligé de les planquer. Moi j'aime bien ça, tu vois. Parce que moi, j'ai déjà été avec un paquet de Haribo dans le sac, on a dû le planquer, quoi. Heureusement qu'on n'est pas fouillé à l'entrée, parce que là, c'est encore pire. On peut pas, hein. Le droit français, on n'a pas le droit d'être fouillé à l'entrée. Ah bon? Tout ce qu'ils ont à faire, c'est le droit de demander d'ouvrir ton sac. Ah bon? C'est tout alors? Ouais, sinon ils doivent appeler la police. Il a un paquet de Haribo! Tout le monde à terre! Ok. Bah, on termine sur cette note guette. Voilà, une belle digression. Ouais. C'est la première fois qu'on dérape pas sur Star Wars, mais sur les impôts. Faut de tout dans ce podcast, hein. Finalement, on voulait faire du léger, mais on a fait du lourd, quoi. Voilà, bah, on pourra en faire une spéciale taxe et économie la prochaine fois. Je sais pas si on va y arriver. Bon, bah voilà, on va terminer sur ce bon mot. Et puis, merci nos amis de Up to Box et un fichier qui nous ont sponsorisé. Voilà, merci bien. Puis, bah, n'oubliez pas le 15 septembre de payer. Ah non, ça c'est l'impôt sur le revenu. N'oubliez pas le 30 octobre, si on est d'ici là, le Mandalorian saison 2. Mandalorian saison 2. Et 15 octobre, c'est Star Trek Discovery. Ça, je suis un peu moins enthousiaste, mais bon. Chacun ses attentes, hein. Voilà, quoi, pour notre retour. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.